Bonsoir à tous sur Radio Campus Orsay, c'est la fin de semaine, on se retrouve pour ce vendredi. On est vendredi combien, William? 26 janvier. Allez, je suis trop fort. Bon, aujourd'hui on accueille l'association Labo qui va nous présenter leur Labo. Association, qu'est-ce qu'ils font, voilà, ils vont présenter le Labo. En animateur, on a qui? On a une merveilleuse équipe aujourd'hui, même s'il manque Renan. William, il manque Renan, mais Renan, qu'est-ce qu'il fout? Alors Renan, il est à Lille, avec sa copine. Ok, ça va, c'est une bonne excuse. C'est une bonne excuse. Alors il y a William, il y a Thomas, on a deux Florian, oh la chance, et on a Axel. En deuxième partie, on va découvrir l'invité mystère, qui n'a pas encore de micro. Mais pour l'instant, on va découvrir un peu Elliot. Bonjour Elliot. Salut. Tu vas bien? Bah ça va. Et toi? Tu es en quoi? Bah moi ça va très bien. Tu es en quoi? Tu fais quoi comme étude? Et bah je suis en L2 maths. Mm-hmm. Ici du coup. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps je suis en L2 maths? Oui, mais depuis le début de l'année. Depuis le début d'année. Ah. Oui, t'étais en prépa avant. Mais non, mais les questions sont pas forcément stupides. Après elles vont devenir moins stupides. Voilà, un petit peu moins. Alors aujourd'hui, c'est toi qui vas nous présenter la section voyage. Mais alors, on va essayer de faire deviner, même si voilà, il y a des gens qui ont révélé à l'avance. On va essayer de faire deviner quel pays aujourd'hui on est censé découvrir. Bon, alors ça vous doit de quoi comme pays ça? Moi je sais, je vais pas dire. Un pays d'Afrique peut-être. Exactement. À quelle zone de l'Afrique? Afrique de l'Est, vraiment l'Afrique orientale. Non, bon bah tout le monde sait, c'est ça. Alors Elliot, où es-tu allé? Eh bien, je suis allé au Japon. Oui. Comme tout le monde doit comprendre, on entend par là. En entendant du japonais, je suppose. Moi j'ai deviné. Et tu y allais quand? La première fois que je suis parti, c'était en 2014. Oui, c'est ça. Okay. Du coup, tu y allais plusieurs fois? J'y suis allé trois fois en tout. Waouh, ok. Oui, j'aime beaucoup le Japon. D'accord. Et le Japon, t'aimes beaucoup? Ça, je sais pas, faudra lui demander. Tu y allais dans quel cadre? Tu avais quel âge? La première fois? La première fois... Attends, 2014, ça fait des additions compliquées, ça. Soustraction, pardon. T'es en L de quoi? j'ai oublié. J'avais 18 ans. En fait, j'ai fêté mes 18 ans là-bas. Waouh. Sauf qu'au Japon, la majorité, c'est 20 ans, donc ça n'avait aucun sens pour eux, mais j'ai quand même fêté mes 18 ans là-bas. Et je suis parti 3 mois la première fois. D'accord. Un mois dans une école de japonais, en fait. J'ai appris le japonais, enfin, j'avais déjà commencé à apprendre le japonais, donc j'ai perfectionné. Et ensuite, je suis parti faire du woofing. Alors, qu'est-ce que c'est le woofing pour les personnes? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le woofing? Oui, ouais, je sais ce que c'est. Thomas, tu sais ce que c'est? Non, mais... Bah alors, c'est toi qui vas nous expliquer. Alors, est-ce que ça fait intervenir des chiens? Non. Pas du tout. Est-ce que woof? Non. Bon. Vas-y, tu peux expliquer ta blague, du coup? Le woofing, c'est... Alors, c'est forcément avec des agriculteurs ou... C'est pas forcément avec des agriculteurs, c'est dans tout le domaine du bio, en général. Donc ça peut être des agriculteurs bio, mais aussi des magasins bio, tout simplement. Et le principe, c'est d'aller aider un agriculteur ou un commerçant bio en échange d'être nourri et logé. Mais aucun échange d'argent. Donc c'est une solution assez intéressante pour voyager pas cher, puisqu'il n'y a que le billet à payer. Il faut parler la langue, bien sûr, parce que... D'où l'intérêt de faire l'école avant. Oui, c'était très... Et t'avais déjà tout prévu avant ton départ? Oui, ce voyage-là, il était bien ficelé. Tout était prévu au moins 4 mois à l'avance. Oui. Et tu as fait donc combien de temps à l'école et combien de temps... J'ai fait un mois dans une école à Osaka, okay. Où j'étais dans une famille d'accueil. Puis, j'ai passé 2 semaines à visiter le Japon. C'est là que j'ai fêté mes 18 ans. D'ailleurs, à ce moment-là, mes parents m'ont rejoint. Okay. Et mon petit frère aussi. Et ensuite, j'ai passé un mois et demi à... Je suis allé à plusieurs endroits, à deux en particulier. D'abord dans un verger à Nagano, puis dans un endroit très étrange, mais très bien. Enfin, quand je dis très étrange, c'est pas vraiment étrange. Disons que c'était juste un couple. Ils élevaient des enfants. Non, des enfants en bio, dans la terre. Alors, ils avaient poussé, ils plantaient à l'envers. C'était un couple, un Canadien et une Japonaise, qui vivaient donc tous les deux dans leur maison. Ils avaient un champ. Enfin, un petit champ dans lequel ils faisaient pousser des légumes divers. qu'ils vendaient. Ils vendaient des légumes d'été aussi. Ils vendaient des légumes. Alors des... Nick, enfin, pardon. Donc ils faisaient pousser des légumes d'été et variés qu'ils vendaient. Ils faisaient aussi du pain qu'ils vendaient dans un café qu'ils tenaient, qui le soir se transformait en école d'anglais. Ah oui. Et t'as tout fait. Ils sont à fond. Et j'ai quoi. Tout fait. Non, t'as tout fait. Même l'école d'anglais. Même l'école d'anglais. Non, ouais. Trop bien. Les mecs sont à fond, genre 24 heures sur 24, ils font tout le temps des trucs. Est-ce qu'ils dorment à un moment? Non, la nuit, ça beaucoup. Fait, ils ferment le café et ça fait discothèque en fait. Jusqu'à 6h, et puis là, le boulanger, il arrive, et puis il fait le pain. Voilà. Moi, ma journée commençait généralement vers 8h. Enfin, je pouvais me lever à peu près à l'heure que je voulais. Ils étaient très cool. Donc, quand je me levais, je venais les aider, et puis ça finissait à midi à peu près. Sauf que ça, c'était ma journée. Je pense qu'eux étaient levés au moins à la femme depuis 4h du matin. Et quand on ne veut pas savoir ce que le mari faisait. Hein. Quand moi j'avais fini vers midi, il continuait jusqu'à... Ah oui, t'avais l'après-midi de libre. Moi j'avais l'après-midi de libre, c'était vraiment très cool. T'avais des trucs à faire autour dans le coin? Pas trop. C'était en campagne. Il y avait une école d'anglais et un café. C'est ça. Le centre-ville était à une demi-heure de marche. Ah oui. Alors à l'époque où j'y étais au Japon, c'était la période la plus chaude du Japon. Enfin, de l'année au Japon, donc il faut compter quoi 30 degrés la nuit. Et c'est super humide. Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que c'est humide? C'est très humide, oui. J'y étais pendant la mousson. Donc c'était. Oui. Bah, okay. Il pleut, il fait chaud. Et voilà. Les cheveux, ils frisent. Non. J'avais les cheveux courts à ce moment-là. Donc. Et tes parents t'ont rejoint? Ils ont pu visiter l'endroit où tu faisais du woofing? Non, ils m'ont rejoint avant. Avant, ok. En fait. Et après, ils t'ont abandonné. Exactement. Allez, travaille. Pendant ce temps, ils ont fait le tour du Japon? Non, on a fait le tour du Japon ensemble et ils sont rentrés en France ensuite. D'accord, ok. Donc ça, c'était ton premier voyage au Japon? C'était mon premier voyage au Japon. Donc c'était une approche un peu particulière parce que t'as pas vraiment pu tourner, mais t'as pu découvrir la culture et la langue principalement. Oui, bah c'était un voyage pour découvrir un peu ce qui se passait. C'était un long voyage, ce qui était très bien. Ça m'a permis de beaucoup perfectionner mon japonais, ce qui est une autre très bonne chose. Super. Et tu regardes les animés, tu les regardes en japonais? Je les regarde en japonais. Alors avec des sous-titres pour l'instant, je comprends pas tout non plus. Tu les regardes en sous-titres anglais? Sous-titres anglais. Sous-titres tchèques même. Okay. Et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a intéressé au Japon? Tu regardais des animés, tu lisais des mangas avant? Ça oui, mais même avant ça, mon premier contact avec la culture japonaise, c'était les arts martiaux. Ah, ok. Tu faisais des arts martiaux quand t'étais plus jeune? Oui, j'en fais toujours. Tu fais toujours? Oui. Okay. J'ai commencé les arts martiaux assez jeune en fait, je pense que c'était quoi, en 6e peut-être, okay. Même avant ça je pense. Et un art martial particulier? J'ai cherché un peu avant de trouver le bon. J'ai commencé par du karaté dans un club et j'accrochais pas, en fait je trouvais pas ce que je cherchais dans ce club de karaté là. Donc j'ai essayé un autre club de karaté, je trouvais toujours pas ce que je cherchais. Et j'ai fini par trouver exactement une prof de karaté très jolie. Non, en fait, j'ai trouvé un autre art martial qui s'appelle l'aïkijutsu. Attention, il cherchait un nom compliqué et c'est là qu'il a commencé à apprendre le japonais. C'est ça, voilà. Ce qui me plaisait pas dans le karaté, c'est que c'était trop facile à prononcer. Aïkijutsu, c'est mieux quand même. Enfin, j'ai trouvé mieux après. Maintenant, l'école que je pratique ça s'appelle le Tenshin Shoden Katori Shintoryu. Ah oui, d'accord, on augmente dans la complicité. Ça veut dire quoi? Ah bien, parfait. Alors, c'est le nom de l'école. Donc, il faut un petit peu décomposer. Tenshin Sho, ça veut dire littéralement qui vient du temple catholique. Voilà. Okay. Et ensuite, le reste du nom, alors le Liu à la fin, ça veut dire style. D'accord. C'est donc école. Et ce qu'il y a au milieu, c'est le nom. Et c'est quoi le nom au milieu? On a Tenshin Sho, Den Katori Shintoryu. Oui, je ne me rappelais plus, j'avais un petit peu oublié, mais c'est bon, ça me revient. Ok. Mais donc, ce qui me plaisait dans l'aïkijutsu que j'ai commencé et que je pratique toujours, c'est que c'est une école qui est ancestrale en fait, qui est toujours enseignée plus ou moins comme à l'époque où elle a été créée. Contrairement au karaté qui est une école plus moderne. Et c'est une école à la base japonaise et ils ont plusieurs. Enfin, comment dire, c'est pas des firmes, mais c'est tous les maîtres de chaque école viennent de. On fait la même formation, c'est ça? Dans ton groupe d'école? Ça, c'est vrai pour Tenshin Shoden Katori Shintoryu, que je vais appeler Katori. Mais par contre, pour l'autre, alors, c'est pas vrai. Est-ce qu'on peut l'enregistrer et le mettre en jingle ou en sonnerie de téléphone de quelqu'un? C'est génial. Non, pour l'aïkijutsu, en fait, c'est un peu compliqué parce que, pareil, il y a plusieurs écoles d'aïkijutsu La plus répandue étant l'école Hakkoryu. Qui est un style. Voilà. Qui est un style, oui. C'est une école particulière de ce qu'on peut appeler Katori Shintoryu, Aikijutsu, qui est pour le coup plus une certaine forme, disons, c'est pas un style en particulier, mais les écoles sont tellement perdues qu'il n'en existe plus beaucoup à l'heure actuelle. Donc il n'y a plus vraiment d'écoles qui sont enseignées et qui sont restées telles quelles, disons. Ok. Bon, on va faire une petite pause musicale vu que tu aimes les mangas et bon, j'espère que c'est la bonne musique. Hein. Et ensuite, on se retrouve pour la deuxième partie de ton voyage, c'est ça ? C'est parti. すべてを手に入れた男、海賊王ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は、人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か？欲しけりゃくれてやる。探せ！この世のすべてをそこに置いてきた。男たちは、 グランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。 熱に浮かされ怪獣を取り除く誇りかぶってた宝の地図も確かめたのなら伝説じゃない個人的な話は誰かの Voilà le générique de One Piece. Bon, j'ai eu un petit problème au début pour le lancer, mais ça vient pas de moi, ça vient de l'ordinateur. Bien sûr, bien sûr. Et tu regardes beaucoup de mangas ? Je regarde beaucoup d'animés. Alors, regardez mangas. D'animés, et tu lis beaucoup de mangas. Je lis beaucoup de mangas. Je lis plus de mangas que je ne regarde d'animés. Ok. Est-ce que tu lis les mangas en japonais ? Quand je les ai sous la main, oui. Ah oui, carrément. C'est difficile à trouver en France ? C'est cher. C'est plus cher, genre ? Plutôt, ouais. S'ils sont transportés à pied depuis le Japon, c'est ça ? À dos d'éléphant à travers la mer. Ça, je sais pas si je suis loup, ils sont gonflés quand même, parce qu'il n'y a pas la traduction à faire. Enfin, bon. Oui, bah c'est quoi, il faut compter 8 euros près pour un tome en japonais. Au lieu de Bah disons qu'au Japon, en fonction de où est-ce qu'on va le chercher, il peut coûter 100 yens, ce qui fait moins d'un euro. Ah oui, d'accord. Mais enfin, ça, c'est si on trouve vraiment un vieux tome. Alors, si on trouve un tome d'occasion, généralement, il a ce prix-là, sachant que les occasions japonaises sont à peu près d'aussi bonnes. En aussi bon état que les neufs français. Donc tu es revenu du Japon avec ta valise bien remplie ? Ouais, plus ou moins, oui. D'accord. Et là, tu es allé quand la deuxième fois au Japon ? La deuxième fois, c'était l'an d'après, donc en 2015. Et là, je suis parti avec 6 copains. Et tu leur as fait visiter ce que tu as vu ? Ouais. Le café, le... non, on n'est pas retourné à cet endroit-là, on est resté à Tokyo. Vous êtes resté à Tokyo ? Ah non, en fait... On est parti 3 semaines. On avait trouvé un super deal. On avait un hôtel vraiment pas cher à Tokyo. Ce qui fait qu'on a utilisé ce qu'on a récupéré du prix de l'hôtel normalement. On l'a utilisé pour se payer ce qu'on appelle un JR Pass, qui est en gros un ticket de train illimité pour tout ce qui est TGV et une certaine ligne de train. Et donc, pendant une semaine où on avait le JR Pass, on a fait l'aller-retour Tokyo Kyoto plus ou moins tous les jours. Ok, et ça coûtait moins cher Ah, ça coûtait pas trop cher du coup. Disons que l'aller-retour Tokyo-Kyoto coûte le même prix que le billet illimité qu'on a acheté. Ok, et puis l'hôtel coûtait moins cher et l'hôtel coûtait vraiment moins cher. En fait, disons qu'on a eu On a eu les 3 semaines d'hôtel plus l'avion aller-retour pour 800 euros par personne. Sachant que pour mon premier voyage au Japon, j'avais payé le billet d'avion 1000 euros. Oui. Et parti à quelle période de l'année? Parce que pour avoir des prix comme ça... Alors on est parti en plein été, ce qui est la haute saison. Et on a eu des prix comme ça en passant par une voie complètement détournée. Par le site Voyage SNCF. Alors, donc oui, la ceci SNCF n'est pas une pub. Ceci n'est pas une pub, mais la SNCF propose des billets d'avion pas chers pour le Japon. S'il y a des gens intéressés. Ok. Et tu passes par Marseille, ensuite. Moscou, non, on est plutôt passé par Moscou. D'accord. Ok. Et l'hôtel, c'était juste comme on voit parfois dans les reportages, un lit dans un mur, ou c'était vraiment quelque chose? Non, ça c'est des hôtels très particuliers qui sont comme ça. Non, on avait vraiment un hôtel à l'occidental. D'accord. Est-ce que tu étais le seul à parler japonais dans ton groupe? Oui, j'étais le seul à parler japonais dans mon groupe. Bah, tu pouvais dire n'importe quoi et tu leur disais si, ça veut dire ça. Je pouvais dire n'importe quoi et leur faire croire. Mais eux aussi sont fans du Japon. Oui, d'ailleurs il y en a deux d'entre eux qui comptent monter une entreprise là-bas. Waouh. Tellement ils sont fans du Japon. Okay. Une entreprise de BD française. Ils vont les vendre 25 euros. Ah oui, sérieux? Ouais. Ah oui, ça sent super cher là-bas. Bah c'est surtout que ils sont assez fans de pâtisserie française et n'ont absolument aucune idée de comment les faire. Ouais, et c'est pas très bon. Non. Leurs croissants sont dégueulasses. Donc quiconque sait faire un bon croissant au Japon peut faire fortune. Ah oui. Et on mange quoi d'autre à part des croissants dégueulasses au Japon? Tu veux dire d'une manière générale ou en pâtisserie? En général. Vaste sujet à mon avis. Vaste sujet, ouais. Oui, très vaste. Y a beaucoup de plats qui sont vraiment typiques et emblématiques du Japon. Typiquement les ramen, qui sont donc une soupe de pâte chinoise à la base, mais qui est maintenant emblématique du Japon. On a aussi d'autres plats un peu plus bizarres, disons exotiques, enfin moi j'adore ça, mais il y a les takoyaki, qui sont en gros une boule de pâte à crêpes avec à l'intérieur un morceau de poulpe. Ah oui, ça donne faim. C'est vachement bon. Il y a ce qu'on appelle les okonomiyaki, qui sont des sortes de crêpes pareilles, mais au chou. Okay. Donc du chou haché avec du poisson, des trucs comme ça. Vachement bon aussi. Et sinon, pas mal de trucs à base de poisson. Les sushis, évidemment. Du riz avec du poisson cru par-dessus. Et ça, c'est les principaux plats emblématiques. Disons que le repas traditionnel, c'est plutôt un bol de soupe miso d'un côté, du riz et une viande ou du poisson, des trucs comme ça. C'est plus souvent du poisson mariné ou grillé. Il y a beaucoup de... Est-ce qu'il y a des marchés aux poissons, comme en Corée? Il y a des marchés aux poissons. Alors, comme en Corée, je ne sais pas, je n'y suis pas allé. Mais il y a des marchés aux poissons, oui. Ok. T'en as visité? J'en ai visité un, mais j'étais pas... Quand je l'ai visité, j'étais pas du côté d'un port. D'accord. Donc, c'était pas forcément le plus grand marché aux poissons du Japon. Ouais, c'était pas typique, quoi. Non, non, non. Est-ce que t'as remarqué des choses particulières, amusantes par rapport au comportement des gens ou... Si t'as vu Tokyo, ça devait être impressionnant de voir autant de personnes au même endroit. Oui, et ce qui est surtout impressionnant, c'est de voir qu'ils arrivent quand même à vivre ensemble. Le truc le plus impressionnant que j'ai vu, c'est un carrefour dans un quartier qui s'appelle Shibuya. Donc c'est un carrefour à 4 entrées pour les voitures et avec des passages piétons. Mais les gens n'utilisent pas les passages piétons. Disons que tous les feux rouges, tous les feux des voitures passent au rouge en même temps. D'accord. Et là, tous les piétons traversent en même temps au milieu de la rue pour aller sur le trottoir où ils veulent aller. Et ce qui est plutôt incroyable, c'est qu'à partir du moment où le feu est vert pour les voitures, il n'y a plus aucun piéton sur la route. Si vous essayez en France, à mon avis, ça passe pas. Ouais. Les voitures ne passent plus jamais. Il y a peut-être une nécessité d'être poli et courtois quand il y a autant de monde pour vivre. C'est ça. Il y a des trucs... par exemple, pour rentrer dans le train, les gens font la queue. Ils s'alignent devant la porte, ils font la queue devant la porte et ils laissent d'abord sortir les gens et ensuite ils rentrent dans l'ordre où ils sont arrivés. C'est ce qu'ils essaient de faire dans plusieurs gares en France. On voit les petits trucs sur les petits dessins sur le sol que personne n'utilise. Bah, au Japon, ça marche très bien. Mais c'est vrai que ça marche pas très bien pour le RER. Non. C'est D'ailleurs, en parlant du RER, les portes pour entrer, enfin les portes à tickets, il n'y a pas de barrière au Japon. Les barrières ne se déclenchent que si quelqu'un essaye de passer. Et en fait, les barrières, on peut les enjamber. C'est même pas sauter par-dessus si on veut, c'est les enjamber d'un pas. Mais les barrières ne se déclenchent jamais, puisque les gens ont leur ticket et qu'ils mettent leur ticket sans aucun problème. Parce que Bah, apparemment, là-bas, ils comprennent qu'il faut payer pour un service. Alors qu'en France, on est obligé de restreindre les gens, de les forcer à payer. Mais il n'y a pas besoin d'autorité tellement qu'il y a de discipline, c'est ça. Mais c'est transmis comme ça, ils sont sévères avec leurs enfants, ils les frappent ou... Je ne pense pas, c'était certainement le cas avant. Je ne pense plus que ce soit le cas maintenant. C'est plutôt dans les valeurs, pas le fait d'être strict ou sévère, mais le fait d'être respectueux. Ça fait partie des valeurs transmises. Mais ils ne sont pas un peu trop froids ? Bah, ça dépend. À partir du moment où on comprend que c'est le code, disons que les codes sont bien plus distants qu'en France. En France, on serre la main, on se fait la bise, ce genre de choses. Au Japon, non, il n'y a pas de contact dans la rue. Mais à partir du moment où on a compris que c'est la culture, ils ne sont pas particulièrement froids. Oui, il ne faut pas être vexé par des choses qui en fait font partie des mœurs un peu. C'est ça. Ils sont vachement gentils. Mais ils sont contents de voir des touristes. Oui, globalement. Enfin, après, c'est comme partout. Il n'y a pas vraiment de généralité. Il y a de tout au Japon comme il y a de tout en France. Il y a des gens bien et des connards pareils. Mais dans l'ensemble, oui, ils sont assez accueillants. Bon, j'ai trouvé enfin la musique traditionnelle japonaise. J'espère que c'est un truc que tu valideras. Voilà. Eh bien, je n'y connais rien, donc je valide. Et ensuite, tu vas nous raconter un peu ce que tu as pu faire pendant ta période à Tokyo. Tu es resté quand même longtemps. Ouais, bah 3 semaines. 3 semaines, c'est quand même déjà pas mal. C'était en partie moderne. Bah, c'est non, la J-pop. C'était quoi. Pas une J-pop. Musique de 1600, 1700 par là, c'est ça? Exactement. C'est non, mais à partir c'était... de ce moment-là qu'ils ont inventé la guitare électrique. Mais pendant ton deuxième voyage à Tokyo, pendant les 3 semaines, t'as pu faire quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a pu faire? Plein de trucs d'hiver et d'été et variés. Ils volent mes blagues. Notamment déjà visiter tous les quartiers. Tokyo, c'est une ville qui est vraiment particulière puisque les quartiers ne se ressemblent pas du tout. On peut changer de quartier et avoir vraiment passé d'un monde à un autre. Par exemple, il y a des quartiers vraiment emblématiques, notamment Akihabara, qui est le quartier des geeks, plus ou moins. Donc, dès qu'on arrive à Akihabara, on se met à la rue principale d'Akihabara. Il y a des magasins de jeux figurines dans tous les coins, manga, anime, enfin, c'est vraiment pour les otaku. Et il y a des ça s'appelle comment? Otaku. Ok. C'est le mot japonais pour geek, en gros, plus ou moins l'équivalent, c'est à une nuance près. Et il y a des panneaux publicitaires partout, des trucs énormes avec des mangas, des animés, des jeux. C'est aussi le quartier de l'électronique à la base, mais bon, maintenant ça a un petit peu été éclipsé par ça. Et on peut changer de quartier, passer à Asakusa par exemple, et là on entre dans un quartier qui est très dégagé, avec des sculptures modernes, beaucoup plus un quartier d'affaires, beaucoup plus tranquille. Enfin, pas trop un quartier d'affaires, disons qu'il y a des affaires, mais c'est pas le quartier d'affaires. Le quartier d'affaires c'est plutôt Shinjuku, où là dès qu'on entre à Shinjuku, on a des tours de 50 étages, à perte de vue, et du monde partout. Ça change vraiment, c'est, ça change vraiment, c'est ouais. Encore plus prononcé qu'à Paris. Oui. Il y a des frontières et bam, c'est comme si c'était une autre ville. Ouais, vraiment. Et les gens qu'on croise changent aussi. C'est, d'accord, ouais. Y a un quartier, Harajuku, qui est réputé pour les gens qui cosplayent. Et il y en a beaucoup? Oui. Pourcentage, vas-y, à peu près. Impressionne-nous avec des chiffres. Oh là, alors chiffres complètement tirés de mon chapeau. je dirais, quoi, 20% des gens? Ok. Ah oui. Qui se cosplayent, qui se baladent dans la rue. Ouais. Le week-end surtout. La semaine, ils bossent. Mais ils bossent pas en cosplay. Non, alors. Ok. Et t'as fait des bains, non? Oui. Les bains, les onsen, les sources chaudes. D'ailleurs, il y en a un à Tokyo qui était très bien. Tu fais de la pub, vas-y, fais de la pub là, c'est bon. Mais en fait, je me souviens pas du nom, donc je pourrais pas faire. mais celui-là était vraiment particulier parce qu'il y avait pas juste le bain, il y avait aussi tout un centre. Enfin, disons presque un parc d'attractions, enfin pas avec des attractions mais avec des jeux, des trucs comme ça et des boutiques où, enfin, qui étaient après l'entrée du magasin. Donc une fois que tu t'étais déshabillé, tu m'en mettais un yukata, donc une qui est un kimono d'été normalement mais qui ressemble plutôt là à une sortie de bain en gros. Et tu te balades comme ça avec ton yukata et tu fais les boutiques, tu joues à des jeux et ensuite tu vas te baigner dans le bain. Alors là pour le coup il y avait je crois une douzaine de bains différents avec des températures différentes, des types d'eau différentes. Alors pour les types différents, je sais pas exactement ce qui était différent, mais c'était différent. Mais il y avait des températures différentes et ça se sentait vraiment. Les tatouages sont interdits, c'est ça aussi, non? Ça dépend. Tu dois les cacher, tu dois mettre un pansement dessus, non? Dans ceux-là, c'était interdit. Enfin, j'ai vu personne avec. Généralement, c'est interdit. Les tatouages sont interdits parce que c'est généralement la marque des Yakuza. Voilà. Mais je sais pas si c'est tout à fait vrai maintenant. J'avais entendu aussi qu'à cause des Yakuza, il n'y avait pas le droit de danser dans des bars aussi, je crois. Non. Je ne suis pas au courant. D'accord. C'est bien possible, mais je ne suis pas au courant. Je suis pas sûr à 100%. À vérifier, dans certains bars, il n'y a pas le droit de danser. Dans les bars, il n'y a pas le droit de danser parce que pareil, c'est les Yakuza qui prennent des bars et leur bar, on danse dedans. Voilà. What? Voilà. Du coup, pour éviter Que des bars de Yakuza, tu ne danses pas. Pas de doute comme ça. Même le karaoké? Non, karaoké, c'est super courant au Japon. Mmh. Il y a plein de karaokés partout. Plein de salles d'arcade, plein de karaokés partout. Effectivement. Enfin, après, ça dépend aussi des quartiers. Mais pas dans les bars. Si, mais tu danses pas, tu restes stoïque, t'es droit et tu chantes devant ton pupitre. Ah oui, pardon, je sais pas pourquoi, mais. Je confonds le chant et la danse. Au karaoké, on ne fait que chanter. Tu as trop d'entrain. Les karaokés sont assez différents de ce qu'on peut voir en France. C'est généralement... pas de Johnny. Il y a du Johnny. Alors, il y a du pas Johnny. Il y a du Johnny. Johnny, oui, effectivement. Wow. Du Johnny. Je vais au Japon tout de suite. Et il le chante en français ou pas? J'ai jamais vu quelqu'un le chanter. J'ai pas essayé non plus. Donc, je ne sais pas. C'est quoi qui te surprendrait le plus? Qu'il le chante en français ou qu'il le chante en japonais? Certainement qu'il le chante en japonais. En polonais, je serais vraiment très impressionné. Mais... J'ai déjà été très surpris quand ils ont chanté. Qu'est-ce que c'était? La Marseillaise. Non. Un truc qui était en japonais, mais. Ah, j'ai du mal à me souvenir. SOS. France Gall. Non. C'était vraiment. Ah oui. Aux Champs-Élysées. Voilà, exactement, ce truc-là. Rapproche-toi ton micro. Aux Champs-Élysées, la version japonaise, donc. En japonais. Ouais. En japonais. Est-ce que c'était Auchan Yagana ou... Alors, non, c'est Aux Champs-Élysées. Ça, d'accord. Ça existe. Le refrain est toujours le même, mais ensuite les paroles sont en japonais. Ah ouais. C'est voilà. Pas mal. C'est joli à entendre. Certainement. C'est pour les oreilles aiguisées. Il faut aimer la version originale déjà. Ouais. Il faut beaucoup l'aimer. Il faut peut-être pas trop l'aimer parce qu'après tu la détestes. Tu es la reprise. Ok. Mais donc on était sur les karaokés, c'est généralement des petites salles. C'est pas les grandes salles avec 40 personnes. C'est plutôt un truc qu'on fait entre amis, un maximum quoi, 10. Vraiment ça. Donc c'est des petites salles avec des bancs, un écran, deux micros. Et les gens choisissent les chansons qu'ils veulent chanter. Donc c'est plus un truc à faire en petit groupe qu'un truc à faire le samedi soir. C'est comme restaurant. Un bowling, mais avec un micro. On peut dire ça. Ou un laser game. Mais avec il un faut écran. Pas trop casser le micro. Ouais, faut pas le jeter. Sans les quilles. Sans les quilles, j'ai oublié de préciser. Merci. Bon, je sais pas du tout quoi mettre comme musique. Je vais en mettre une à la noix. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé à Akihabara, c'était, comme je suis fan de Yu-Gi-Oh, c'était les ventes de cartes Yu-Gi-Oh à l'unité. Oui. C'est très bizarre de voir ça parce qu'en France ça n'existe vraiment pas du tout. Et il y a des cartes qui peuvent valoir très très cher. Ouais. J'ai pas d'exemple pour Yu-Gi-Oh, mais j'ai vu des cartes qui se vendaient 20 000 yens. Ça fait 150 euros, quelque chose comme ça. Par là. La carte, hein, bien sûr. Il y a aussi les. Il y a des genres de mini magasins officiels, mais c'est un peu comme des brocantes avec des vitrines et des figurines dedans que les gens vendent à l'occasion. Oui. Des magasins de vente de boutiques, enfin des boutiques de vente de figurines d'occasion. Et là, on peut trouver plus ou moins n'importe quoi. Ouais. D'ailleurs, j'avais une commande d'un copain qui voulait une figurine en particulier, et j'ai fait le tour de ces magasins pendant bien deux jours sans la trouver. Ah, dommage. Et pour finir, qu'est-ce que tu aimerais amener du Japon en France? Qu'est-ce qui pourrait manquer en France? Vaste sujet. À part la discipline. Comment dire? Quelque chose de matériel pour simplifier. Allez, si c'est un truc qui est faisable, je dirais la bouffe. La bouffe? Globalement, le natto, qui est délicieux, qu'on trouve pas en France. Mais le miso, on en trouve en France. Alors, le natto, ce sont des graines de soja fermentées. C'est un truc qui est vachement dur à manger la première fois parce que c'est très collant, très visqueux. Ça se mange avec du riz. Et vu qu'ils mettent de l'opium dedans, la deuxième fois, t'as beaucoup envie d'en manger. Non, c'est pas ça. Alors, l'opium, je sais pas. Si t'essayes avec autre chose, peut-être. Mais en tout cas, tu mélanges ça à du riz. Avec donc opium, vinaigre et sauce soja. Normal. Et ça marche très bien, c'est très très bon. Et qu'est-ce que tu aimerais amener de France là-bas, par les croissants? Le fromage. Le fromage, il n'y a pas du tout de fromage. Ça, il n'y a pas du tout de fromage. J'ai acheté un camembert une fois, et c'était pas du camembert. C'était quoi? C'était du. Je sais pas ce que c'était, mais je pense pas que c'était du lait de truite fermenté. Je pense pas que ce soit autorisé en France en tout cas. C'est par la police des camemberts. La police des camemberts n'autoriserait pas les camemberts japonais en France. Non, je pense que c'est banni par la Constitution. Ok, je te remercie, Elliot. Merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir invité. Oui. À une prochaine fois alors. À une prochaine. Ah voilà, on se retrouve après cette pause musicale. On accueille Labo. Bonjour Labo. Bonjour. Alors, comment vous appelez-vous ? Alors moi, c'est Victor. Et moi, c'est Tiffany. Bon, et on a changé d'animateur. Il y a qui ? Oui, Florian. Et Axel. Vous êtes content d'être là ? Ouais. Bon, ça va ? Bon, c'est pas Axel, sa première fois à la radio, mais... Non, évidemment, on est très content. Impressionné, quoi. Alors, c'est une association assez récente, non ? Ouais, elle a été créée l'année dernière, du coup en avril, elle n'a pas encore un an. Et ouais, elle est toute fraîche, mais elle marche bien. Vous êtes situé à la MAPS ? Exactement. Là, notre petit local, pas loin de Ludovs, Strat, tout ça. C'est la quatrième porte à gauche. On est tous très proches. B17. Voilà, numéro d'identification. On est ouvert tous les midis, hein. venez. Vous êtes ouvert tous les midis. Ouais. Mais alors c'est quoi exactement comme association, Labo ? Alors, on a des projets de animer la vie étudiante par des soirées, des after work qu'on vient de mettre un peu en place. Mais il y a aussi on essaie de mettre en place des projets caritatifs, donc comme des campagnes de dépistage ou de sensibilisation, ainsi que des projets environnementaux, par exemple, ouais. On a un projet cendrier pour remplacer tous les cendriers par des cendriers de vote, des trucs comme ça. Des cendriers comme ça, de ça, vote ça va, bah, pour, comme ça. Pour ça attire plus l'attention. Voilà. Bah, ça attire plus l'attention et au lieu de jeter la clope par terre, au moins ça sera dans un cendrier. Bon, après, c'est pas forcément meilleur pour la santé. Enfin, ça va forcer les gens à fumer. Des cendriers de vote, c'est quoi le concept? Bah, par exemple, en gros, là on va genre faire des maquettes. Et le principe, c'est que finalement, t'auras pas un trou, t'as deux trous pour mettre ta place. Ah ouais, c'est mieux. Et, et par exemple, facile. tu mets des questions existentielles, genre chocolatine ou pas en chocolat, tu vois. Et le principe, c'est de voter et qu'il y en ait le plus d'un côté ou de l'autre. Effectivement, c'est pas con comme principe. Tu viens pas près de Tarbes, toi, par hasard, Madame Chocolatine? Mais enfin, au final, c'est pas au chocolat qui va gagner, donc cette question est pas très... Non, du tout. Non, ouais. ça a été accordé à Chocolatine. Ah ouais. N'importe quoi, je redemande une expérience. Non, il y a eu des votes. Je redemande un vote. Il va se mettre à fumer juste pour pouvoir dire pas ouais. Mais ça veut dire que quand tu fumes pas, t'as pas le droit de vote. Ouais, t'es dans la merde en fait, tu mets des petits bâtons. Bah tu demandes à tes potes qui fument de jeter dans le standard. Ouais, comme ça, ils votent pour toi. Ouais. Vous en avez déjà installé ? Non, là pour le moment on a fait un petit peu toutes les procédures pour savoir si on pouvait lancer le projet. Mmh. Et on va faire nos maquettes et on a pas mal de contraintes en fait. Donc, telles que vous là, par exemple pour vider le cendrier, il faut que ce soit en 3 gestes maximum. Du coup c'est vider et refermer directement, enfin faut que ce soit pas plus de 3 gestes. Pour et pas ensuite, disperser Non, c'était pour que ça aille vite. C'est juste ouais, ça c'est la mairie ou la commune. Ça c'est le truc sécurité d'ici. Voilà, c'est la sécurité qui fait. Non, la sécurité on l'aime bien. On va pas dire de mal de sécurité. Service hygiène. Ce voilà. Qui permet de poser une question. Du coup, c'est votre asso, elle cible qui? C'est que les étudiants de Paris Sud ou de Saclay en général ou tous Alors à l'origine, quand on a monté l'asso avec des amis du coup de L1, enfin en L1. Vous êtes en quoi déjà? On est en L2 biologie. Bio. Et biologiste autour de la table, j'ai l'impression. Ouais. Et du coup. C'est pour les chocolatines. À l'origine, bah, c'était vraiment tourné pour faire. Organiser des soirées. Et bon, ça s'est fait juste pour les L1 l'année dernière, du coup. Et vu qu'on est passé en L2. Non, c'est pour les L2. Maintenant, vous c'est L1, L2. Et. Qu'on voulait mettre en place, c'est le système de parrainage L1, enfin L2 parraine un L1. Parce que nous, quand on est arrivé l'année dernière à l'université, en fait, on connaissait personne. Et il n'y a eu aucun L2 pour nous aider ou quoi, on connaissait personne. C'est vrai qu'en dehors des assos, il y a un gros manque de cohésion au niveau de la fac. Et, c'est ça. On n'a pas trop de suivi. Mais Et du coup, on voulait remettre ça en place. Voilà. C'est ça. Est-ce que vous avez pensé à contacter des BDE des filières, par exemple? Je pense au BDE de maths, Mathilde ou Photon. Du magistère de physique ou... Pour le moment, on n'a pas étendu nos contacts. Mmh. On est resté avec les associations de la MAPS pour le moment. D'accord. Après, si jamais on les contacte et qu'on décide de faire quelque chose, je pense que ça va être assez compliqué. Ou il faudrait juste que ce soit, par exemple, pour le parrainage, il faut qu'eux s'occupent de, entre guillemets, leurs étudiants, parce que nous, on n'aura pas d'impact sur eux. Bah là, je pensais plus aux soirées, par exemple, ou aux projets. Ouais. C'est vrai que le principe de parrainage, ça va être compliqué. Mais, ouais. Bah, pour le moment, là, on a des projets de soirées dans l'interasso, du coup. D'accord. Donc, ouais, pourquoi pas s'associer avec des BDE d'autres filières. Et le parrainage, c'est que pour les bio? Pour le moment, oui, parce qu'en fait, vu qu'on est qu'en L2, on n'a pas du tout de contact, par exemple, avec maths ou physique. Et du coup, on a accès au L2 bio et L1 bio, et on s'est dit, autant le lancer, même si on cible que les bio. Et au moins, c'est très très bien passé. Et c'est déjà lancé, vous avez combien? On a 110 L1 par année, sur 450 à peu près. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal et il nous reste des parrains. Et c'est sur le volontariat, donc ceux qui voulaient se faire parrainer sont venus nous voir. Et ceux qui voulaient parrainer aussi. Ça s'équilibre à peu près entre les années ou pas du tout? C'est la première fois du coup. C'est la première année, du coup c'était un peu vraiment en test. Mais vous avez plus de parrains que de parrainés ou peut-être l'inverse ou quoi? Il me reste 18 parrains. 18 parrains. Pour les L1 qui veulent. Venez un parrain. Venez un parrain qui est intéressé. Oui, du coup, le fait que vous soyez entre guillemets un nombre un peu restreint en bio, ça facilite peut-être l'organisation. Parce que oui. J'ai fait MPI ici, on était 600 et en L2 on était plus que 100, donc peut-être. Effectivement. Mais ouais, après il faut savoir que un par un peut avoir plusieurs fioles. Personnellement, j'ai 4 fioles. Ah, d'accord. Et ça monte jusqu'à 6. Non mais c'est super sympa parce qu'après on fait des soirées fioles. C'est juste pour se faire payer plus de coups à boire. Ça faut pas le dire, c'est ça. Ça faut pas le dire, mais non, parce qu'après tu dois les repayer et ça tu vois. T'es parrain, t'as tous les droits. Hein. Ouais. C'est ma reine, du coup. Ouais, merci. C'est quoi vos projets vous m'avez dit aussi écologique, de développement durable, non? Pour le moment, c'est les cendriers. Et puis, on avait prévu éventuellement un projet sur les poubelles qui sont devant les bâtiments 332, pour 333, 336. Non, juste pour que les pies arrêtent d'éclater les poubelles. Parce que c'est vraiment dégueulasse devant les bâtiments. Et elles n'ont pas aussi, elles n'ont pas deux compartiments. non, mais c'est vrai, elles n'ont pas les deux compartiments de recyclage. Oui. Non, elles n'ont pas les deux compartiments. Vous avez le soutien de la présidence ou parce que j'imagine pour faire des projets comme ça, il faut. C'est compliqué. C'est quelque chose dont on. Enfin, non, pour le moment, on a. Enfin, là, on avait eu le soutien de la tabacologue pour les cendriers. Mm-hmm. Même si c'est pas super. Enfin voilà. Et service sécurité et hygiène, ils étaient complètement motivés. Du coup, je suppose que si jamais on en parle à la présidente, ben, ça devrait aller. Surtout que les cendriers commencent à vieillir pas mal, par exemple. Ouais. Et je pense que si jamais on amène des projets environnementaux pour améliorer la fac, je pense que ça peut être juste positif. Ouais, la fac pour les étudiants, améliorée pour les étudiants, je pense qu'il n'y a pas. Ensuite, on avait un autre projet, mais bon, qui n'a pas vraiment abouti. C'était pour le recyclage des bouchons. Financer ou le recyclage pour faire des fauteuils handicapés. Et il y a déjà une asso, mais genre. Mission handicap. Ouais, la mission handicap, voilà. Et on est allé les voir et ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de nous. Ils nous ont seulement rejetés. Génial. Voilà, c'est. Vous avez un message à leur transmettre. On s'en fiche. De toute façon, on va installer un carton chez nous. Et on va les garder pour nous, les bouchons. Voilà, ça fera des bouchons en bois. Non, mais voilà, c'est. Non, c'est dommage. C'est pas facile en fait. Au début. Voilà, ouais. Surtout que. Vu qu'on est une asso qui vient d'être créée, niveau côté administratif, c'est toujours un peu. Enfin, nous-mêmes, on sait pas vraiment ce qu'on doit faire. Et ensuite, vu qu'on n'est pas vraiment très important, ils nous font passer un peu à la deuxième place. On n'a pas encore fait nos preuves, voilà. Disons. C'est ça. Bon, je reste motivé. C'est un beau projet. Je vous propose une petite pause musicale et on se retrouve juste après. My business, yeah, I can't stand it. The lack of poise. Aren't you someone's baby boy? Aren't you someone's baby boy? What is your purpose? What secret burdens hold you down senseless? A lack of joy. Aren't you lonely, altar boy? Aren't you lonely, altar boy? Hold your tongue down when you're speaking in our name. Keep the tone down, our intentions are the same. Hold your tongue down when you're speaking in our name. Keep the tone down, our intentions are the same. Coy, getting so close to the bone. Getting so close to the bone. I preach a skeptic, yeah, can I help? It's a bad of the story, yeah, I'm missing toy. Sure, I might end up alone. I might end up alone. Hold my tongue down when I'm speaking to your name. I'll keep the tone down, our intentions are the same. Hold my tongue down when I'm speaking to your name. Yeah. Deluxe. Alors, on se retrouve encore avec Labo, qui vont nous présenter un peu les événements, les fêtes qu'ils organisent, un peu comme un BDE en soi. On n'est pas un BDE. Vous n'êtes pas un BDE, mais vous organisez des fêtes. Ça tient un gros mot, apparemment. Ça fait un peu... Ah ouais, non, mais on a un petit peu des actions simili BDE, ouais, on assume tout à fait, mais on ne tend pas à devenir un BDE et à s'appeler BDE. Parce que c'est nul de s'appeler BDE. Oui. On est Labo, quoi. Vous voilà. Êtes Labo. On est le laboratoire, en fait, en gros. Alors, pour trouver les parrains, il fallait faire... C'était... C'est très drôle. C'était très drôle parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut aller chercher les gens. Généralement, ils sont très motivés. Voilà, on a mis pas mal de messages sur notre page Facebook. On est allé dans les amphis pour demander et tout ça. On mettait des... par exemple, dans les amphis 336, 332 et tout ça, on écrivait en gros sur tous les tableaux que pour la soirée, qu'on cherchait des parrains et tout ça. Et sinon, on allait voir... Pour quelle soirée ? Pour la soirée. Notre soirée d'intégration donc, qui s'est faite en... En octobre. Et, 13 octobre, vendredi 13 octobre. Du coup, qu'on a appelé Adopte un L1, qui s'est très bien passé. C'était sur une péniche à Paris, le Concorde Atlantique. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à autant de monde. Donc ouais, on a eu des... On estimait, vu que c'était notre premier gros événement, on se disait 400 personnes, ça pouvait être pas mal. Et bonne estimation pour une première déjà. Ouais, bah en fait, on a fait une soirée post-partielle juste pour notre année de L1, donc en juin, et on a atteint les 400. Non, les 200-300 personnes, je sais plus. À peu près. Ouais, c'est quand même pas mal. Voilà, et on s'est dit, en plus des L1, ça devrait faire au moins 400 personnes, ouais. Quoi. Et finalement, on est monté à 650. Ouais. Voilà. Ouais, non, mais c'est. Ouais. C'était impressionnant. On s'attendait pas à ça et on a été très très agréablement surpris par les étudiants. La soirée s'est bien déroulée du coup, j'imagine. Très bien déroulée, pas de coma éthynique, pas de bagarre. C'était pas une bonne soirée alors. Non, mais de toute façon, il y avait la scène, du coup on surveillait quand même, tu vois. Tu fais une connerie, tu finis noyé. C'est strict quand même en biologie. Bah, c'est un peu comme le Japon. Non, il n'y a pas besoin de menace au Japon. Effectivement. Et ensuite, votre deuxième événement, vous avez fait Afterwork, c'est ça ? Alors là, en fait, on vient de lancer un projet qui nous tient à cœur depuis pas mal de temps. C'est en fait, on n'a jamais profité des jeudis étudiants et on s'est dit pourquoi pas lancer les Afterwork. Et on a eu notre premier Afterwork hier soir. Donc du coup, quel debout aujourd'hui ou ça va ? Non, on n'avait pas cours ce matin, ça. Ça va, bah, en soi, c'était de 18h à 23h, du coup, il y a le temps de dormir. C'est raisonnable. Ouais, et c'était où ? Et l'avantage, bah, c'est le bar chez Camille à Orsay, donc qui est vraiment pas très loin de la fac. Et donc pour tous les étudiants qui habitent un peu à Perpète, etc., bah, ils ont 10 minutes à pied quoi, pour arriver. À la gare. Et... Voilà, c'est ça, c'est juste après la gare. Et donc bah, c'est vrai que nos événements habituellement, on les fait plutôt sur Paris, dans des bars à Paris. Donc ça limite certains qui habitent assez loin, etc. Donc là ils étaient, enfin, on a eu beaucoup de retours positifs sur le fait que bah, la proximité était vraiment quelque chose de cool. Ouais. Du coup, vous avez une idée à peu près dans tous ceux qui sont en biologie, combien habitent sur Paris ou combien sont en résidence ici autour de la fac Ça dépend énormément. Je pense que c'est à peu près moitié-moitié. Moitié-moitié, ouais. D'accord. Vous aviez combien de personnes chez Camille ? Entre 80 et 90. Ouais, voilà. C'était une bonne ambiance, c'était convivial. C'était une super bonne ambiance. Le patron du bar, du coup, Camille, est adorable, enfin, il est génial. Et c'était vraiment hyper sympa. On a eu des prix partout et tout ça. Et ensuite, l'avantage, enfin, ce qui était vraiment cool, c'est qu'il y avait vraiment bah, des L1, L2 et quelques L3. Donc ouais. Ça fait que tout le monde discute avec tout le monde et ouais, ça crée des liens, des relations entre années en fait. Et ce qu'il n'y avait vraiment pas l'année dernière. On a même Strat qui est venu. Je vise personne, mais personne n'est venu ici, ok. Moi je suis arrivé après. je suis arrivé quand la soirée est finie et mais c'était sympa. Ouais. Ouais, mais on a eu Strat du coup qui est passé et c'était sympa aussi. Super. Et c'est quoi vos prochains événements ? Alors, prochain événement, c'est le carnaval. Donc on a décidé de remettre en place le carnaval parce que l'année dernière, il n'y en avait pas eu. Donc le 13 février prochain, le jour de Mardi Gras, en gros, on invite tous les étudiants à se déguiser la journée et le soir, on fait un petit truc à la MAPS. Avec une espèce de défilé. Défilé concours. Défilé voilà. Concours, ouais, on va se mettre un peu en tant que jury. Et on va faire gagner un petit truc aux gagnants. Oh, et il y aura un déguisement. Jeux, un petit truc. Il y il y aura quelques jeux genre Chamboule tout. J'ai trop envie de le faire. Et on verra un petit peu ce qu'on peut faire, mais ouais. Donc vous êtes tous invités hein, à c'est participer. Pas, c'est pas que pour les bio. Vous c'est pouvez, pas que pour les bio. Vous pouvez très bien gagner le défilé sans être en bio. Ah, faut, faut se déguiser en quoi, en cellule Non. De typotante. De typotante. Floppé. C'est ouvert à tous et c'est ouais, pour mettre un peu d'ambiance quoi. C'est ça. Le 13 février alors. C'est ça. C'est ça. Et ce sera, ça finira à quelle heure? Alors déjà c'est toute la journée et jusqu'à la fin à la map ça finit à 23h. Et les gens ils vont passer pour des gens qui s'habillent bizarre la journée. Hein, ouais. Mais non. Non justement. Non parce que nous aussi on va se déguiser. Hein. Ah c'est bien. Parce que le labo va avoir un déguisement spécial. Ah, tout labo sera déguisé ? Ouais, exactement. On a la même chose. Oh. Plus il y a de monde qui participe, moins c'est ouais. bizarre du coup. Ouais, ouais. Donc, ouais. Mais il y a quand même plein de monde à la fac qui va peut-être pas se déguiser et qui va se demander qu'est-ce qui se passe. On s'en fout. On va se déguiser en Pokémon. Faut dépasser les 20%. Ouais, ça va être tendu, hein, mais on va essayer. Ok, ça serait super. Sympa. Le 13. Et vous organisez aussi des soirées à chaque fin de partiel, non ? Vous essayez de placer les soirées à la fin des partiels. Voilà, on essaie de placer des soirées à la fin de... Enfin, l'année dernière, c'était facile parce qu'on était en L1, donc c'était que après nos partiels de L1. Cette année, c'est un peu plus compliqué parce que les partiels L1 tombent pas forcément en même temps que les partiels des L2. Donc, soit ça fait deux fois plus de soirées, soit on essaie de trouver un peu une date qui conviendrait ouais, pour faire un gros événement quoi, avec tout le monde. Ouais. Ok. Alors simplement pour résumer, pour savoir si j'ai bien compris, il n'y a que le parrainage qui est réservé au bio, mais sinon tout ce qui est soirée, etc., c'est ouvert à tous tout les étudiants. Ouvert, ouais. Mais il faut savoir que le parrainage, pourquoi pas ne l'étendre Mais ça va être compliqué, il faut trop fort. Ah oui, faut non, ça genre, on peut tout à fait comprendre. Qui ciblent vraiment ça. Et du coup, pour nos événements, il y a un groupe, on a un groupe du coup sur Facebook. On est en train de créer une page. Nommé Labo L'ABO tout en majuscule. Donc vous pouvez rentrer dedans et toutes les informations sur nos prochains événements etc sont données à l'avance si vous avez des questions faut pas hésiter à nous contacter. On répond assez rapidement en général. Sur les membres du coup du bureau qui sont les modérateurs du groupe. Et donc voilà, si vous avez des questions sur les événements ou autres, sur la vie à la fac ou quoi, il ne faut pas que les étudiants hésitent. L'apostrophe ABO. Ouais. Voilà. Et ça veut dire quoi ? L'association des biologistes d'Orsay. Qui est ouvert à autre chose que les biologistes, sauf pour les brainages. Exactement. Voilà. C'est ça maintenant. C'est ça maintenant. Ok, super. Est-ce que vous aurez quelque chose d'autre à ajouter ? Vous avez des questions peut-être ? Je crois qu'on a eu pas mal d'informations. Ouais, très complet. Likez la page et puis vous aurez les infos. Pas aller aux soirées. Ils sont sympas. Ouais. Et n'hésitez pas à venir au local nous voir. Hein. Le local qui est très bien. Ouais. Très très beau local. Hein. On n'a pas fini de le décorer. Mais il y a des petits poufs, il y a une petite table, il y a de quoi se poser. Hein. Moi, j'ai vu, ça a l'air confortable. Alors c'est très confortable, on a volé les chaises de la MAPS. Il y a du monde en plus. Mais il y a souvent du monde, surtout le midi. Faut pas hésiter à venir. Ouais. Genre, juste pour voir les gens et tout ça. Genre, ça nous fait plaisir. Et voilà. Et voilà. C'est de quel côté à la MAPS, pour ceux qui savent pas C'est où dans la MAPS? C'est côté bureau associatif, ouais. Bureau d'assaut. À côté du local de Clématis. D'accord. Entre Clématis et Stratudops. Donc, Labo, une association qui est principalement là pour créer un peu de vie étudiante, quoi. Exactement. Ouais. Bonjour, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Bon, on va faire une... Excusez-moi. Quand même. Là, on va se lancer dans la pause musicale et pause jeu. This is gospel for the fallen ones locked away in permanent slumber, assembling their philosophies from pieces of broken memory. Yeah. Dans la valise de l'Hippocampe Fou, il y a une trottinette. Dans la valise d'Hippocampe Fou, il y a une trottinette et un bocal de haricots magiques. Dans la valise d'Hippocampe Fou, il y a une trottinette des haricots magiques. C'était presque ça. Mais ça compte, c'était un bocal. Un bocal de haricots magiques. Et du coup, un éthylotest en forme de poupée gonflable. Putain, mais c'est moi qui me tape les trucs chelous, quoi. Ouais. Dans la valise de l'Hippocampe Fou, il y a une trottinette, un bocal de haricots magiques, une flopée de cellules totipotentes, un éthylotest en forme de poupée gonflable, un canal carpien. Quoi? Un canal carpien. D'accord, okay, il y a ça dans une valise. Dans la valise de l'Hippocampe, et là il y a voilà, il fou. Dans la valise de l'Hippocampe Fou, il y a. J'ai oublié le premier truc. Une trottinette. C'est pas grave, si c'est le premier, ça compte pas. Il y a un bocal de haricots magiques, un éthylotest en forme de poupée gonflable. J'oublie toujours ce que dit Florian. Ça, c'est normal. C'est une impression de déjà vu. Hein. C'était pas un truc difficile en plus. Si. Un canal carpien. Et l'ivresse des jours heureux. Dans la valise de l'Hippocampe Fou, il y a une trottinette, un bocal de haricots magiques, un éthylotest en forme de poupée gonflable, un canal carpien et des. Jours heureux, non, c'est ce que je veux dire, mais c'est pas ce que je dis. L'ivresse des jours heureux. C'est quoi ça? Tu peux pas l'emporter avec toi, tu vois? C'est trop compliqué. C'est si, dans une petite bouteille. Ah, là, ça passe mieux. Et une petite flasque. Merci. Un petit peu de facilité quand même. Dans la valise d'Hippocampe Fou, il y a une trottinette, un bocal d'haricots magiques, un éthylotest en forme de poupée gonflable, un canal carpien, l'ivresse des jours heureux, de nos jours heureux. Une petite flasque. Et quoi donc? Fais pas le bâtard. Il y aura des représailles à la sortie. Et un lama nommé Jerry. Ok, vas-y, je vais pas retenir le lama, je pense. Dans la valise d'Hippocampe Fou, il y a une trottinette, un bocal rempli de haricots magiques, un éthylotest en forme de poupée gonflable, un canal carpien, l'ivresse des jours heureux, une petite flasque. Et un lama nommé Patrick. Jerry. Non mais Patrick, Jerry, c'était si proche. Tu vois, c'est... God Save the Queen. Bon, on se retrouve avec Axel, avec l'autre Florian. Tiffaine est restée parce qu'elle nous aime un peu. Un peu trop. Beaucoup. Et on a l'invité mystère. Tu mets ton casque ? Ah ouais, c'est vrai. T'es timide, t'es déjà venu à la radio en plus. On va pas trop donner trop d'informations, pas révéler trop de trucs. Effectivement, on va garder le mystère. Bon, il y a un jeu qui est pas mal. D'habitude, quand je suis réactif, il est déjà préparé. T'es pas très réactif là. Quel manque de professionnalisme flagrant. Ouais. Bravo. Voilà, ça c'est le générique du jeu. Ça, c'est la musique Hippo Kung Fu, c'était Si j'étais. Ouais. Si t'étais un animal, tu serais quoi ? Alors, ton regard suggestif m'indique que je devrais commencer. Ouais. Alors, bah, je pense que si j'étais un animal. C'est centré que sur toi. Ouais, ouais. Bah, le piège, ce serait de tomber sur son animal préféré, mais c'est pas forcément ce qui nous représente le mieux au final, notre animal préféré. Hein, d'ailleurs, justement, notre animal préféré, c'est souvent quelque chose qui a des qualités qu'on aimerait bien se voir attribuer. Et c'est pas forcément celle qu'on a. Et voilà, exactement. Et donc, du coup, moi, si je m'associe à un animal, je dirais. Je sais pas, le porc. Pourquoi le porc ? Parce que, bah, je sais pas, le porc, je trouve ça tout à fait majestueux. Non, non, bah, certainement pas, non, c'est le terme qui convient pas, mais je sais pas, je trouve ça mignon, sociable, ça a une vie plutôt casanière. C'est un animal affectueux et tu vois, genre chaleureux pour moi. Il me semble qu'il y a tout un truc autour du porc où on a justement une image un peu désagréable du porc et en fait finalement pas du tout. Et, ouais, c'est plus intelligent qu'un chien. C'est l'animal le plus propre du monde. Ouais, c'est ça, un animal très noble et. Bon, moi, je suis pas spécialiste. Très bon. Extrêmement intelligent, très extrêmement bon. Social. Non, c'est juste que l'image qu'on a, c'est celle qui est déformée par l'élevage intensif. C'est ça. C'est ça. Le vocabulaire aussi, on en parlait justement avec Mathias à un moment. Mais c'est vrai que l'emploi vernaculaire du terme porc en général dans notre langage, ça va être péjoratif. Très péjoratif, quoi. Genre un porc, c'est quelqu'un qui est lubrique, voilà, qui est un dégueulasse, voilà. C'est soit l'hygiène, soit les pensées qui sont mal tournées, quoi. Tu fais ça exprès pour défier, alors de choisir le porc. Voilà, notamment, oui, c'est une sorte de défi. Et si tu étais un repas, un plat, une côte de porc. J'ai trop faim. Alors si j'étais un plat, ouais. Bah, ça c'est plus difficile déjà, genre. Je sais pas, je dirais une bonne grosse plâtrée de pâtes à la sauce tomate. Parce que voilà, c'est tout ce que parce j'ai. Parce que étudiant. Ouais, ouais. Exact. Tu es étudiant en quoi ? En biologie, du coup. Est-ce que tu connais labo ? Ouais, je connais labo, mais justement, en fait, c'est pour ça que je faisais un peu timide et je les regardais pas trop. Mais parce que toutes ces soirées-là, j'y suis pas allé en fait. Parce que. Shame. Je suis désolé. Parce que là, je sais pas, c'était pas une période où je me sentais trop de sortir. Ouais, t'inquiète pas, tu vas pouvoir te rattraper. C'est prévu. On verra ça. J'en ai souvent des périodes comme ça, malheureusement. Bah, prends un parrain. Pardon ? Prends un parrain. Ils ont encore des parrains à distribuer. Ils te prennent un parrain. Ouais, mais je sais pas si ça changera vraiment la chose. Mais... c'est très pratique. Hein. C'est ta première année par études ? Ouais. Tu viens d'où à la base ? Alors, je viens tout droit de lycée militaire de Saint-Cyr. Ah. Versailles. Voilà. Enfin, côté. À côté de Versailles, ouais, dans les Yvelines, Saint-Cyr l'école. Ouais. C'est un lycée militaire assez prestigieux, voilà, donc, censé être assez prestigieux. Ça t'a plu ? Depuis qu'ils ont commencé à accueillir des gens de cité, c'est devenu un peu moins... C'est vraiment, sans aucune discrimination. Hein. Mais moi, j'étais dans la promotion où il a commencé à y avoir un gros quota de gens de cité qui sont arrivés. Et c'est devenu vraiment le bordel dans le lycée récemment. Donc, dédicace d'ailleurs à mon gang de Saint-Cyr. Le gang de Saint-Cyr. Je ne pense pas qu'ils m'écoutent, mais c'est pas grave. Tu connais le lycée H ? Lycée H. Hoche. À Versailles. Ouais. J'ai mon frère qui l'a fréquenté, mais je connais pas vraiment. Genre, dans le sens. C'est pas que des bourges là-bas. Enfin, sans. Alors j'y étais. Ah, désolé. Alors déjà, ça fait un labo, deux bourges. ça commence à faire beaucoup. Hein. Non, c'est juste que c'est le préjugé que j'avais de ça, quoi. Non. C'est pas privé déjà. Non, c'est public. Non. Ça va alors. Si tu étais un trait de caractère, à part la timidité. Moi, timide. Non, je me présente pas particulièrement timide, mais indécis, je dirais. Indécis. Ouais, beaucoup d'indécision, beaucoup de questionnements surtout. Genre, je me questionne énormément. Ma tête turbine constamment. Savoir s'il va en soirée ou pas. Voilà, avec la boue. C'est ça. T'as hésité longtemps entre indécis et pas choisir. Non, c'est paradoxal parce que justement j'ai tout de suite choisi indécis. Ouais. Donc, ouais. Non, mais ouais. Assez indécis du coup. C'est quoi les activités qui te passionnent ? Alors, beaucoup de choses très différentes. Je suis un patchwork de différentes activités, de différentes personnalités. Par mon indécision notamment, mais qui sont venues effectivement s'agglomérer sur moi tout au long de ma vie. Genre, je sais pas, par exemple, genre mon activité sportive préférée c'est le volley. Mon goût musical c'est dubstep. Ouais. Je suis vegan. Et je joue beaucoup aux jeux vidéo et je lis aussi énormément. Des lectures du 19e siècle, notamment naturalisme et réalisme. C'est voilà. Quoi le dernier livre que tu as lu ? Dont je me souviens bien, Le Rouge et le Noir de Stendhal, que j'ai énormément apprécié. Mais tu l'as lu de toi-même ? Bah oui. Je vais demander à quelqu'un, oh, tu peux lire à ce temps-là le long. Mais on sait jamais. Tu crois que je fais quoi pendant que je vais pas aux soirées Je lis Le Rouge et le Noir de Stendhal. L'alarme qui sonne, soirée, labo, et puis il tourne la page, il fait non, c'est bon. Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas. C'est moins intéressant. Restons avec Le Rouge et le Noir. Ça parle de quoi, ça raconte quoi ? Alors, ça parle d'un personnage, donc, comme beaucoup de livres en fait. Mais... Mm-hmm. Donc là, c'est vraiment un roman centré autour du personnage de... Julien Sorel, qui est... Pas confondre avec Soral. Oui, effectivement, oui. Mais donc le personnage de Julien Sorel, à la base, c'est un petit roturier, un petit paysan, qui est très joli, très mignon. Et en fait, il va apprendre le latin parce qu'il y a un curé qui va passer dans le village où il est. Et grâce à cet apprentissage, il va finir par devenir un précepteur et peu à peu, il va s'élever dans les échelons sociaux et en fait ça va être une occasion non seulement pour Stendhal de montrer les différents échelons de la société. Le Rouge et le Noir c'est un très très gros livre hein, et comme l'objectif bien sûr du réalisme et du courant de cette époque, Stendhal définissait le roman comme un miroir de la société. Donc Le Rouge et le Noir qui est un de ses deux romans principaux avec La Chartreuse de Parme est bien sûr dans cette ligne de conduite là et il va aller dans les différents échelons de la société non seulement en représentant du coup les différentes classes sociales, mais en plus en faisant s'identifier le lecteur au personnage et en faisant à la fois aussi une autobiographie. C'est un livre très très exhaustif, très... il cumule plein de choses à la fois. C'est un livre qui du coup te permet de voir à peu près toutes les étapes de la société. Et est-ce que ça te permet, enfin, en lisant ce genre de littérature, d'arriver à comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui Ouais, notamment. Je dirais que c'est pas le principal apport que ça m'apporte, mais je peux en discuter d'ailleurs. Enfin, oui. Je pense que ce qui est le plus incroyable dans la lecture et ce qui me motive le plus à le faire, c'est voir à quel point en fait, comment dire, les esprits humains sont connectés par des grandes lignes qu'on retrouve notamment à travers les livres. À mon avis, les l'anthropomorphisme, tu veux dire, ou l'aspect social ou... Non. Ce que je veux dire, c'est que le génie littéraire, pour moi. C'est exprimer l'inexprimable, c'est-à-dire exprimer en quelque sorte l'univers mental commun à toutes les personnes, mais que très peu de personnes savent mettre sur papier. D'accord. Tu vois ? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est finalement enfin, lire des gens qui ont des lettres et des mots et qui permettent de mettre des mots sur ce que toi tu ressens et qui t'avais pas forcément le vocabulaire pour l'exprimer. C'est ça. Et en fait, la sensation vraiment qui représente ça, c'est, je sais pas si vous avez eu déjà cette impression en lisant un peu. Je sais pas si vous lisez beaucoup. Mais très peu, pas assez. Mais on lit jamais. Mais en lisant, Tom Tom et Nana, moi c'était tout si, bim bim. Je pensais pas particulièrement à ce genre de littération. Mais en lisant même des livres qui vous étaient proposés par votre établissement scolaire, par exemple, genre vraiment d'avoir l'impression que l'auteur pense exactement la même chose que vous et d'être frappé en lisant ce que vous lisez et voilà. Cette sensation, voilà, c'est ça. Voilà, on va carrément faire un pas, changer de sujet, mais presque. Mais c'est le problème aussi, peut-être qu'on nous propose ce genre de livre un peu trop tôt. Ouais, on n'a pas, on a pas les outils pour comprendre la portée. Ça n'a pas rien à voir, mais il y a un animé que j'ai terminé récemment qui s'appelle Psychopass, qui décrit une société du Japon dans le futur. Et tout le thème de l'animé, ça parle de qu'est-ce que la société parfaite. Et finalement, une société parfaite, c'est une société qui est imparfaite. Et ça se bat à base de, enfin ça se bat à coup de références Voltaire, Swift, Stendhal, etc. Et donc du coup, maintenant aujourd'hui avec les connaissances et la culture que j'ai acquis, ça me donne envie de découvrir parce que c'est des bouquins que je pourrais comprendre aujourd'hui. Mais quand t'as 14 ans, ça dégoûte plus de lecture qu'autre chose. Que tu prends un gros pavé de 1000 pages, un truc comme ça avec des mots et des phrases, faut que tu regardes dans le dictionnaire à chaque fois, ça donne pas forcément envie. Donc c'est un peu dommage d'attaquer par ça quand on est au collège ou au lycée. Parce que du coup, on en perd. On pourrait parler de la même chose avec la philosophie. Ouais. Mais du coup, oui, effectivement. Je suis d'accord. Mais peut-être que c'est mieux pour le système scolaire de surestimer ses élèves que de les sous-estimer, à mon avis. Alors, c'est pas forcément une histoire de sous-estimer ou surestimer. C'est forcément si tu commences au piano et que le premier morceau qu'on essaie de t'apprendre, Chopin. C'est du Bach ou du Chopin. Enfin, pas du Bach, genre j'en sais rien, une fugue. C'est vrai, ouais. C'est vraiment trop, quoi. Tu vas te dire, là, tu vas rentrer dans un cercle vicieux en te disant, les autres y arrivent, moi j'y arrive pas, donc je suis vraiment qu'une merde, donc du coup c'est pas fait pour moi, et donc du coup ça te dégoûte plus de la chose. Mmh. Alors que, et ça, pour le coup, c'est grâce à Internet que j'ai pu découvrir ça. Il y a une grande possibilité de vulgariser les choses et de les montrer sous un aspect fun qui peut après te donner envie de découvrir l'œuvre par toi-même. Et notamment pour la musique dans mon cas, mais. Je pense que pour la littérature, ça doit être la même chose. Il doit bien y avoir des vulgarisateurs de littérature sur YouTube. Ouais. Bon. Enfin, du coup, revenons à toi. À force de lire tous ces livres, est-ce que tu t'assimiles pas, est-ce que tu prends des traits des personnages, des héros de tes romans ou pas forcément les héros mais... Oui, ça m'arrive, mais en général, c'est très temporaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu lis beaucoup de romans, tu finis tellement par tout le temps t'assimiler au personnage que... Enfin après c'est mon cas, peut-être que c'est le cas des autres, mais peut-être pas aussi, mais je finis par me dire « Ah mais tiens, je suis exactement le même sur ce point-là, donc je vais réagir comme ça, etc. » Et parfois ça me crée des sortes de... Je sais pas comment dire, mais des obsessions de symbolisme. Bon après vraiment ça c'est très personnel, mais voilà. C'est vrai que tu peux, en t'identifiant un personnage, tu peux parfois délirer un peu. Voilà. C'est ton divertissement préféré ? Est-ce que tu définis ça ? La lecture ? Oui. Ça dépend ce que tu qualifies de divertissement. Divertissement, ça vient du latin, enfin, je veux dire, divertissement, c'est tu t'écartes du chemin, quoi. Vie, c'est la voie, quoi, le chemin. Et divertissement, tu vas t'en écarter, en quelque sorte. Divertissement, mon divertissement préféré, si tu te réfères à la définition étymologique du mot divertissement, ça va être les jeux vidéo. Parce que les livres justement te permettent de te rapprocher de la vie et de... Non, c'est juste que les livres ont un aspect créatif et que c'est quelque chose de constructif, quelque chose qui me permet de m'avancer. Donc ça reste dans le droit chemin. Tu vas déclencher une guerre pour tous les fans de jeux vidéo. Ah non, mais j'adore les jeux vidéo. Non, je vois très bien ce que tu veux dire. Genre StarCraft ou League of Legends, tu vois, c'est pas très créatif. Effectivement. C'est plus chronophage. Enfin, oui. Voilà, voilà quoi. À ce moment-là, faut jouer à Minecraft. Voilà, c'est pas beaucoup mieux. Non, mais je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Non, c'est très créatif. Question chronophage. Oui, mais c'est très très créatif ça pour le coup. C'était très novateur dans le milieu du jeu vidéo. De la part de Notch de créer un jeu vidéo où, enfin, je sais pas, t'as des gens qui ont fait des putains de calculatrices et des ordinateurs dans le jeu, hein, je sais pas si vous savez ça. Ouais. Et ça a demandé des heures et des heures de travail. Des pros aussi, ils étaient pas vraiment micros, mais. Il me semble qu'il y a même un mec qui a réussi à programmer Minecraft pour afficher sa tête et du coup il se filmait avec la caméra de son téléphone et du coup ça retransmettait l'image en direct dans le jeu. Ouais bah... Il y a des mecs qui sont très très chauds. Vive les mods. Voilà. Tu veux mettre quoi comme musique? Alors ça, il faut vraiment pas me demander, hein, parce que... Bon, vas-y. Non. C'est quand on me demande une musique qu'il m'en vient jamais une de bonne à l'esprit. C'est pas grave. Je sais pas. Tu nous as parlé de dubstep. Alors non, on va pas mettre de dubstep. La dubstep, c'est bien sur des méga enceintes à des gros festivals, mais sinon, c'est un peu chaud. Mais je sais pas, quelque chose d'assez fédérateur, je dirais, c'est du Woodkid. Du Woodkid. J'adore. Ah. Woodkid, soit Run Boy Run... Soit okay. Iron, voilà, l'un des deux. Run, boy, run, this world is not meant for you. Run, boy, run, they're trying to catch you. Run, boy, run, running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. Run, boy, run. This ride is a journey to run, boy, run. The secret inside of you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. And disappear in the trees. Always another day, hey. You don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. Tomorrow is another day, hey. When the night fades away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. Run Boy Run de Woodkid, la musique que nous a choisi notre invité mystère. J'ai failli cafeter ton nom. Déjà c'est la première fois que j'ai loupé et que j'ai réussi à retenir. C'était impressionnant parce qu'à chaque fois je le dis au bout de 10 secondes. Une fois j'ai présenté, c'était Tristan. J'ai fait alors Tristan, notre invité mystère. Okay. Il était plus très mystère du coup. Ouais, parce que le but c'est de faire deviner le prénom après. Pour cette rubrique, faudrait que t'invites un mec qui s'appelle Martin un jour. Juste pour la blague, Martin Mystère. Bah, il y a... C'est ça, c'est beau. Du coup, jeu d'invité mystère, t'es quelqu'un du coup qui est un peu sur tous les plateaux, disons. Mm-hmm. Tu t'intéresses à vraiment tout, donc type de musique, etc. Et selon toi, du coup, en fait, t'es un peu un califème. Ouais, c'est vrai que j'arrive pas vraiment à m'accrocher à un personnage type comme beaucoup de personnes en seraient capables en société. J'arrive pas à me dire, bah tiens, je vais être un punk ou un dandy ou un, tu vois, comme beaucoup de personnes en sont capables aujourd'hui. T'as du mal à t'identifier et puis à suivre voilà, un peu l'image qui est attendue après. Ouais. Ce qui a d'ailleurs créé un grand mal-être chez moi pendant longtemps. Mais je pense que ça, c'est un peu toutes les personnes justement qui sont jamais arrivés à se fixer une personnalité type qui ont eu ce problème là et au final je pense que cette acceptation de soi, s'accepter en tant que personne qui ne rentre pas dans une seule case, c'est la première étape pour arrêter d'en être malheureux quoi. Une fois que t'as compris ça, tu peux le transformer et en faire une force, et, parce que être justement, on en parlait en off, mais être multipotentiel, donc s'intéresser à tout et pas forcément se fixer dans une case, c'est plutôt un atout, parce que du coup tu peux justement parler avec tout le monde, tu peux avoir du recul aussi. Ouais, avoir du recul sur les choses, et t'auras toujours un avis sur tout, puisque tu t'intéresses à tout. C'est ça. Non mais juste pour préciser pourquoi ça peut être dur de s'intégrer en ayant ça, en fait le fonctionnement d'un groupe, ça marche... un peu sur la répartition des tâches, c'est-à-dire que, bon, par exemple, je sais pas, dans un groupe au collège ou dans un groupe à l'école, tu vas avoir le comique, tu vas avoir l'intello, tu vas avoir le décontracté, tu vas Est-ce qu'il y avait des étiquettes à s'en suivre Oui, voilà, c'est exactement ça. Il y avait des galons avec marqué... C'est littéral des étiquettes. Et alors moi, à un moment, on m'a étiqueté vegan, donc du coup, en fait, quand on me parlait, j'avais l'impression qu'on me parlait comme un mec sensible, je sais pas, ouais. Pour moi, je suis un bonhomme, je suis pas sensible. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'étais là en mode... ouais, bah, arrêtez de me parler comme si j'étais la dernière des... Voilà, sans être vulgaire, voilà, comme... Enfin, bref, voilà, quoi. Et, attends. Après, c'est... Oui, non, vas-y, continue. Et donc, du coup, en fait, limite, moi, je rentrais dans ce personnage-là. Sauf que ça me mettait super mal à l'aise parce que je me rendais compte que c'était pas moi. Donc du coup, à un moment, bah, j'ai fait une espèce de sorte de burn-out où j'ai juste pété un câble et j'ai arrêté de parler à tout le monde parce que ça me cassait trop les couilles. Et au final, ouais, j'ai fini par accepter que... Enfin, il fallait pas que je me laisse foutre dans une case ni étiqueter. Voilà. Oui. Non, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais du coup, si jamais t'arrives pas à t'identifier entre guillemets un personnage... Donc de la vie réelle, est-ce que tu pourrais t'identifier à un personnage fictif de tes livres et de... Est-ce que tu as quelqu'un qui t'inspire? C'est ça. Bah justement, Julien Sorel. Enfin, c'était un peu ce qui m'a marqué, c'est que c'est... Le fait qu'il change et qu'il évolue Non, c'est que c'est un personnage à la fois complètement minable et à la fois sublime. Genre, c'est un paradoxe des deux. D'ailleurs, le sublime, c'est un peu... Enfin, le sublime est à la frontière du ridicule, mais... Ça, c'est Zola. C'est okay. Mais... Mais c'est vrai que genre ce questionnement constant, etc., ça peut... Attends, c'était quoi la question à la base, que j'en dérive pas trop, parce que je crois que c'est trop tard. Choisir un personnage. Oui, ouais. Choisir un personnage. Ouais, bon, c'est bon, je développe là-dessus, alors je fais pas de digression. Mais c'est-à-dire que Julien Sorel, c'est à la fois un personnage qui a énormément d'ambition, qui est beaucoup comme tous les autres, dans le sens où voilà, il a une paire de superficielle, etc., mais qui à la fois s'en rend compte et se taraude là-dessus. Et donc du coup, voilà, c'est à la fois ridicule parce que bon, c'est quelqu'un qui génère son propre malheur, et à la fois sublime parce qu'il a le recul de se dire « Ouais, j'ai pas envie d'être superficiel et d'avoir des désirs mesquins comme tous les autres, quoi. » Voilà. D'accord. Et moi qui te connais un petit peu, Alexandre, Merci. Du coup, yeah. On a tenu plus longtemps. Oh, hein. Honte. Ah, bon, ah, c'est pas possible. C'est pas grave. Ok, c'est pas grave. À Saint-Cyr, tu m'as dit que les gens avaient beaucoup d'étiquettes et ils appartenaient à des groupes, et c'est peut-être ça aussi qui t'a un peu perturbé. Ouais, carrément. Mais je pense que c'est pas qu'à Saint-Cyr. Hein. Ça va être dans vraiment tous les lycées et tous les collèges de France, à mon avis. C'est peut-être un peu un signe aussi, justement, de cette période où on se cherche, juste l'enfance et l'adolescence, la transition. Carrément. Ouais, mais tu m'as dit qu'il y avait des mouvements punk, des mouvements fascistes aussi, même, à l'intérieur de l'école. Punk, c'est à Saint-Cyr. On peut en parler, c'est toujours le truc truculent dont tu parles à Saint-Cyr, c'est qu'effectivement, c'est un des seuls lycées de France où t'as des néo-nazis et des fachos. Extrême. Bon, c'est pas forcément très... voilà quoi, genre bon, en seconde, il y avait un petit gars que je ne nommerai pas, mais un gars, donc un skinhead, ou je sais pas, je crois, enfin il se prétendait être un skinhead ou quoi, genre le gars portait il tout le temps... Il était chaud un... Non. C'est qui est paradoxal, mais on est à Saint-Cyr, on n'a pas le droit à ce genre de coupe un peu fantaisiste comme la boule à zéro, mais du coup le gars il portait... le cancer. Non, tu te fais renvoyer. C'est horrible. Mais donc du coup le gars il portait tout le temps un cran d'arrêt sur lui. Donc un cran d'arrêt, c'est un couteau, hein. Et genre moi, tu vois, j'ai des idées un peu de gauche, tu vois. Et pour avoir une fois affirmé un peu mes idées de gauche, bah je sais pas, le gars, j'ai été étiqueté comme le communiste en seconde, tu vois. Genre vraiment le coco, tu vois, tout ça parce que j'ai des idées un peu de gauche. Et le gars, genre au milieu de l'année, je crois il avait dit qu'il voulait me planter ou un truc comme ça. Voilà, donc c'est un peu sordide. Je pense que c'est pas comme ça. C'est génial pour s'épanouir. Ouais, c'est pas mal sentir quand même. Bonne année. Viens. Bonne année. Ouais, c'est bien. Non, mais ça c'est très secondaire. Hein. Après, non, vraiment l'ambiance générale est super. Tous les gens de Saint-Cyr vous l'affirmeront. Il y a du gros bordel. C'est super cool. Le bordel, cool. C'est cool. Ouais, voilà. Tu veux choisir la musique ou tu veux que j'en mette une? Non, qui risque de te plaire. Je veux bien que t'en mettes une, s'il te plaît. Je suis pas trop certain de mes choix. Oui, William, il va être super content que j'ai mis cette musique, que je mette cette musique. Karpur Gauram Karuna Vataram Sansar Saram Bhujagendra Haram Sada Vasantam Hideva Dinde Bhavam Bhavani Sahitam Namami Karpur Gauram Karuna Vataram Sansar Saram Bhujagendra Haram Sada Vasantam Hideva Dinde Bhavam Bhavani Sahitam Namami Karpur Gauram Karuna Voilà, c'était Mantra de Jacob Tilbert. Est-ce que de Tilberg. Est-ce que ça a pu te plaire, Alexandre? Oui, ça va. Ça va. J'aime bien ce ça. J'ai va. Bien aimé. Yes. Ça va, ça va. C'est un peu mon style musical aussi. J'aime bien la musique de basse de toute façon. Donc, tout ce qui est un peu techno comme ça, un peu psyché. Qui fait vibrer le corps. J'aime la bien. Trance et un truc comme ça. Ah, la trance, j'adore. Je valide. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Mis à part dans un caddie à boire des bouteilles de rhum volées au supermarché. J'ai l'impression que t'as pas une grande estime de toi. Peut-être un aspect développement personnel que tu pourrais travailler. Ça coûte un peu cher. Ouais. En vrai, c'est pas mal, je peux venir. Mais il faut un grand caddie. Ouais. Grand caddie, dans des choses. Toujours de la place dans vos caddies, t'inquiète pas. Parfait. Alors, dans 10 ans, tu te vois où? Tu sais pas. Alors, est-ce que tu te projettes? Non, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal à me projeter dans l'avenir. J'aimerais bien me voir perdu au fin fond de l'Amazonie à faire des recherches en éthologie sur les grands singes ou à découvrir de nouvelles espèces, tu vois. Parce que bon, c'est un peu pour ça que je suis venu en bio aussi à la base. Mais bon, c'est 11 ans d'études quoi pour y arriver. Donc tu vois, même dans 10 ans, je serai encore dans les études quoi. Ouais. 11 ans d'études, c'est parce qu'il y a un doctorat et un post-doctorat. Ouais. Tu reviendras dans les prénoms dans 10 ans. C'est ça. J'ai accompli mon projet. Voilà. On te reposera exactement les mêmes questions. Oui, un postdoc, c'est si t'as de la chance. Hein, parce que généralement, il faut en faire plusieurs derrière. Ouais, si t'as envie de faire chercheur, c'est un peu la galère. Bah, l'avantage, c'est que tu peux avoir des trucs pendant le postdoc. Donc, ouais, aussi. Tu peux voyager. Mais après, t'es pas obligé d'aller jusque-là. Il me semble avoir lu des articles justement sur un mec, sa vie, c'était aventurier. Et qui fait rentrer genre deux ou trois mois par an à Paris histoire de se faire un peu de thunes et puis après repartir, mais qu'il avait fait la traversée de l'Australie à pied ou des trucs ouais, comme ça. Ouais, mais il fait ça sur ses propres financements. Oui, sur ses propres financements, mais faut juste pour dire que si t'as envie de voyager, oui. Sinon il y a un mec, justement un chercheur qui est lui. Enfin, il fait ça pour des recherches où la recherche ça porte sur l'adaptabilité du corps humain à des milieux extrêmes. Et donc le mec, il a fait justement la traversée de la. Il se coupe les doigts, il se plonge la main dans. Il plonge dans l'eau glacée. Je sais pas comment s'appelle cette émission là sur. Man vs Wild. Ouais, Man vs Wild. Avec Bear Grylls. C'est ça. Ah. Une bonne dose de testostérone. Est-ce que t'aimes bien, tu regardes? Bah, à mon avis, très personnellement, je pense que c'est truqué. Oui, oui, de les manières. Hein, c'est officiellement truqué. La charme a été un peu rompue quand j'ai appris ça, mais avant, quand j'étais encore ignorant, j'aimais bien. Ouais. Non, mais je pense que les méthodes proposées, par exemple, sont bonnes. En vrai, c'est oui. Juste drôle de le voir boire de la pisse. Et... Je vais être obligé de boire mon urine. Ça, c'est sa phrase préférée. T'entends le pied de la bouteille de Fanta. Regardez cet insecte bien dégoûtant que j'ai trouvé sous un rocher. C'est une bonne source de protéines. C'est une bonne source de protéines. Je pense que les manières qui peuvent pas vraiment faire ça de façon légale, le mettre en danger, surtout une équipe de. Oui. L'équipe qui est derrière. Quoi. Non, mais surtout qu'il a fait un épisode avec Barack Obama ouais. Quand même. Ouais, hein, ouais. Donc, ouais. Stylé. Ça va être plus chaud quoi. Mind versus Maison Blanche. Se perdre dans la Maison Blanche. C'est quoi qui te plaît tant dans l'éthologie? Bah les animaux déjà, hein, parce que bon, pour une raison qui n'échappera à personne à mon avis. Mais au-delà de ça, sinon, ouais non, je trouve ça passionnant. J'ai commencé à lire des articles dans Science et Vie, puis dans des revues scientifiques sur l'éthologie, même sur Internet. Mmh. Sur l'intelligence, par exemple, fascinante des corbeaux, ou encore des cochons, effectivement. Ce sont des choses, à mon avis, vraiment peu connues du grand public, déjà. Ouais. Déjà, rien que le terme éthologie, il y a 90% des personnes qui ne savent pas ce que c'est. Alors, hein. Défini. Alors, éthologie, c'est l'étude du comportement animal. Mmh. Voilà. Donc, l'ensemble des mécanismes cognitifs, etc. Ok. Quel est le fait en éthologie qui t'a le plus marqué dernièrement en tout cas? Alors, par exemple, un exemple de recherche, tu veux dire? Ah, je sais pas. Qu'est-ce qui t'a fait dire dernièrement? Je peux te dire un exemple de recherche, tout ce qui me vient à l'esprit. Bah, par exemple, le test du miroir qui permet la perception de soi, qui permet de comprendre si un animal a ou non la perception de soi, la conscience de soi, c'est un des trucs les plus connus en éthologie. Et il y a pas mal d'animaux qui l'ont. Notamment, par exemple, pour en citer quelques-uns, l'éléphant, la pie, le cochon. J'avais vu ça avec un perroquet une fois, mais il était un peu plus intelligent que ses congénères. Donc comment ça fonctionne? le test du miroir, c'est par exemple, on va mettre une tache sur un animal ou un truc il va pas comprendre, il va pas se reconnaître dedans. Il va se voir dans un miroir, dans une surface réfléchissante quelconque, et il va enlever l'objet immédiatement. Et donc ça, en fait, le fait qu'il ait pas détecté l'objet avant et qu'il le détecte uniquement quand il va dans le miroir, ça veut dire qu'il a conscience que c'était lui dans le miroir. Il va repérer ça et savoir qu'il y a un truc, c'est ça, un endroit qui est bizarre. Après, il y a des variantes pour les animaux qui sont pas particulièrement intéressés par les tâches sur eux, tu vois, genre qui s'en foutent un peu, genre le cochon par exemple. Ils s'en barrent un peu les couilles. Du coup, d'ailleurs, vous pouvez... Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas intéressé de l'image de toi? Waouh. C'est faux, c'est faux, je dirais, parce que... Mais non, pour en terminer sur le cochon, du coup, la variante du test qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé de la bouffe. Bon, c'est un peu réducteur pour l'animal, mais vous pouvez même le regarder sur YouTube. Il me semble, vous tapez test du miroir cochon, parce que moi, je l'ai vu sur YouTube, la vidéo. Il y a la vidéo. Et vous voyez que le cochon, en fait, voit l'image de la bouffe dans le miroir et comprend qu'il faut faire un détour. Donc du coup, il comprend que c'est un miroir qui réfléchit. C'est, enfin, c'est assez compliqué, vous irez voir la vidéo sur YouTube si ça vous intéresse. Okay. Et ça a quelle influence sur les animaux qui réussissent le test, la perception de soi? Ouais. Bah apparemment pas la moindre, puisqu'on continue à élever intensivement des porcs pour la consommation. Sans parler évidemment de la société humaine, mais... Sans parler de la société sur le comportement animal en lui-même, c'est quoi la différence entre un animal qui sait se reconnaître et... Qui sait se reconnaître? Bah c'est juste que... Je saurais pas rentrer vraiment dans les détails techniques. C'est peut-être un niveau de conscience supérieur, ou en tout cas qui est considéré comme supérieur pour les humains, peut-être. Quand t'as conscience de toi, quand même, c'est difficile, parce qu'effectivement, pour moi, c'était quelque chose qui allait de soi, que c'était un degré supérieur d'intelligence, mais je sais pas, quand t'as conscience de toi, en fait, c'est je sais pas. Je saurais pas te dire, mais... Peut-être qu'il y a une intelligence individuelle qui est supérieure aux autres animaux qui n'ont pas conscience. Ouais, quoi. Ouais, puis même d'un point de vue philosophique, c'est quelque chose d'au-dessus, quoi. C'est savoir se distinguer du monde qui nous environne, c'est très particulier quand même comme type de perception à la conscience de soi. Il y a un mot qu'on utilise beaucoup depuis tout à l'heure, c'est intelligence, mais est-ce qu'en éthologie vous avez une définition pour l'intelligence animale? Juste, vous avez... Bah, je suis pas éthologue, ouais, Mais je dirais, de mes maigres connaissances, je dirais que l'intelligence animale, ça se transcrit. Enfin, c'est pas quelque chose vraiment de très défini. Hein, vraiment, ça se met en pratique. C'est par rapport à la complexité du comportement, à mon avis. C'est en général, c'est corrélé à la masse cérébrale, la masse nerveuse. En général, un animal qui a un plus gros cerveau a plus de mécanismes cognitifs. C'est sûr qu'un reptile qui ne va avoir qu'un cerveau reptilien, enfin des structures cérébrales très primitives, ne va pas avoir les mêmes mécanismes cognitifs qu'un mammifère, par exemple, qui dispose d'un cerveau reptilien, d'un hippocampe, d'un cerveau limbique, d'un cortex, d'un néocortex, qui a des structures cérébrales beaucoup plus développées. Par exemple, le cerveau limbique qui te sert aux émotions, par exemple, tu vois, beaucoup. Enfin, moi. Bon. Ok. Et une autre question sur le même sujet, pardon, si vous vouliez passer à autre chose, peut-être. Non, une autre question sur le sujet. Est-ce que, à part l'homme, il y a des animaux qui sont capables de prendre conscience que les autres ont conscience d'eux-mêmes? Wow. Alors là, c'est. Bon, je saurais pas répondre. Je crois qu'il y a les dauphins. C'est-à-dire qui peuvent prendre conscience du fait que les autres ont conscience d'eux-mêmes? Ouais. Je saurais pas dire. C'est quand même très très complexe comme mécanisme. Est-ce qu'il y a des humains qui arrivent à le faire déjà? Voilà, c'est ça la question. Prenez un cours sur l'empathie et puis. Il y a des gens qui se contentent de vivre leur vie sans vraiment tenir compte de l'individualité d'autrui. Et au final, voilà, la réponse la plus appropriée, je pense que c'est l'empathie, en fait, au final. Est-ce que les animaux font preuve d'empathie? Oui. Oui, ouais. Oui, ils font preuve d'empathie, beaucoup. Par exemple, sur Facebook, récemment, j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup touché, d'ailleurs, d'un cochon qui apporte de la bouffe à son frère handicapé, qui peut pas bouger. Donc, il prend avec son groin un peu de fourrage et il lui apporte en personne. Et l'autre, tu le vois, qui mange, il peut pas se déplacer, tu vois. Il y a aussi des chiens qui sauvent leur bébé sur la route, ou même pas forcément leur bébé, des chiens qui sauvent leur congénère. Mais par exemple, les chats, je sais pas si t'as déjà eu un chat, Mais mon chat qui est décédé récemment, et quand j'étais malade, il restait, alors qu'avant il m'aimait pas. Sinon, il m'aimait pas spécialement, mais quand j'étais malade, il restait avec moi tout le temps que j'étais alité. Jusqu'à ce que je sois de remis de pied, puis là je le revoyais plus, quoi. Chez mes grands-parents. Trop bien. Il aimait bien te voir souffrir. Oui, peut-être. J'aurais fait. Alors, on est malade. Tu vas bientôt mourir. Je vais être là pour le voir. Vous voulez que je vous raconte une autre anecdote de ce type-là qui est très. Oui. Alors, c'est un cochon domestique qui, lorsque sa maîtresse a eu une attaque, le cochon domestique. Alors, écoutez bien, parce que vraiment. Hein, c'est... Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Ah non, mais c'est... vous savez que c'est à la limite de ça. C'est incroyable. C'est que le cochon domestique, déjà, il a compris. Il a pris la voiture, il l'a emmené à l'hôpital. Bon, elle est plus sur la petite barre charrier. Mais encore une fois, t'es assez proche parce qu'il y a une histoire de voiture. Mais il a poussé la voiture. Écoutez. Tu viens de nous teaser là. Attendez. Le cochon, il a reconnu que sa maîtresse avait une attaque. Il est sorti pour aller chercher de l'aide. Il s'est allongé au milieu de la route pour arrêter une voiture. Ensuite, quand le passant, parce que c'était un coin paumé, mais quand le passant est descendu de la voiture, il l'a forcé à venir voir sa maîtresse qui avait eu une attaque. Putain, et là, ils ont pu appeler une. Tu as vu où cette histoire ? Sur internet. Mais bon, apparemment, c'était relayé par des journaux qui avaient l'air assez fiables, mais. C'est ouais, incroyable. Mais j'avais vraiment vu des articles qui prouvaient que le cochon était plus intelligent que le chien, en sachant que les chiens sont déjà très intelligents. Mmh. Mmh. Ouais. Le cochon, ça a pas de poils, donc c'est pas câlin. Ah si, c'est trop mignon, un cochon. Ça a perdu ses poils. Ouais. À la base, à la base, ça en avait. Et ça en a un peu, mais ça a perdu sa fourrure au sens sanglier du terme. Comme les humains ont perdu leurs poils de singe. Voilà, c'est ça. Ok. Et pour rebondir sur l'intelligence. Je pense que c'est assez relatif. C'est lié parce au que... poil, du coup. Pas trop. Et il y a une assez relatif et ça dépend de la manière dans laquelle tu la notes ou tu essaies de l'observer. C'est Einstein qui dit essayer de caractériser l'intelligence d'un poisson par sa capacité à monter dans un arbre est inutile. Et par exemple, tu as des intelligences sociales, et je pense que les fourmis ont une intelligence sociale supérieure à la nôtre. Elles ont des sociétés plus développées, si on essaie de regarder ça, bah ça par exemple. Il y en a qui vont jusqu'à dire qu'une fourmi, une colonie de fourmis forme une seule entité psychologique. Mmh. Quoi. Mmh. C'est assez incroyable, ça, d'ailleurs, hein, pour le coup. Mais donc, du coup, je sais pas si l'individualité est trop de comment dire, prime vraiment chez la fourmi, quoi. Il y a pas trop d'individualité. Hein, c'est un peu toute conne. C'est de parler à une fourmi, ça m'a passé. Tu parles à tout en ce moment. C'est mal passé. Est-ce qu'il y a des méthodes, enfin, est-ce que tu étais au courant s'il y a des méthodes justement en éthologie pour justement différencier quel caractère a pour cause, une intelligence individuelle ou collective, ou si c'est vraiment de l'intelligence ou simplement de l'instinct animal comme un réflexe Ok, par exemple, distinguer caractère acquis et caractère inné, par exemple. Ouais, par exemple. Bah, ça, je dirais que les expériences en laboratoire peuvent le prouver, mais d'observation peut-être beaucoup. Ouais, d'observation, mais je pense que là tu t'interroges sur ce qu'est l'éthologie en soi, parce que c'est un peu tout ça l'éthologie au final. C'est trouver qu'est-ce qu'un caractère, distinguer un caractère acquis d'un caractère inné. Enfin voilà quoi, genre c'est un peu tout ça l'éthologie. Genre ta question précisément c'était savoir s'il y a vraiment des méthodes, là c'était le côté scientifique de la chose, s'il y a vraiment des méthodes expérimentales pour essayer de différencier si un caractère est lié à l'individu ou s'il est lié à l'espèce. Oui, voilà. C'est un peu le principe de toute l'éthologie, quoi, c'est trouver les méthodes, les approches pour déterminer si c'est un caractère acquis ou un caractère inné, par exemple. D'accord. Mmh. Ouais. Petit truc d'éthologie, j'avais lu il y a longtemps une expérience qui avait prouvé que les abeilles, ça avait compté jusqu'à 4. Ouais. Voilà. C'est des shadocks en fait. Exactement. Vous voulez que je vous la raconte l'expérience ? Oui. Allez. Mais avec des corbeaux du coup, moi, cette façon. D'accord. C'est jusqu'à 14, il me semble, ou un truc comme ça, approximativement. Je me souviens plus exactement du mot. Mais le principe est très intéressant. Ça fait chier, quoi. Ouais, nonetheless. Le principe, c'est qu'en gros, les corbeaux, bon, encore une fois, une histoire de bouffe, hein. Bon, ça va être encore un peu réducteur, mais. C'est tout ce qui motive. En même temps, c'est que des animaux. Non, c'est pas tout ce qui motive un animal. C'est plus pour le contact interespèce. Non, c'est juste que l'animal va être pas mal amené à faire ça si on lui. Mais de toute façon, d'ailleurs, je vois pas en quoi c'est réducteur puisque les humains aussi. C'est surtout pour. C'est l'instinct, quoi. C'est la bouffe, ils en ont besoin. Ouais, voilà. Parce que l'humain, on a plus besoin parce qu'on a le supermarché. On va chasser dans le supermarché maintenant. C'est ça. C'est dans la façon de trouver la bouffe peut-être, parce que là où d'autres animaux se contenteraient simplement d'aller la prendre par terre parce qu'elle est tombée d'un arbre, le corbeau a des méthodes. J'avais vu, enfin lu un truc sur des corbeaux qui utilisaient les voitures qui passaient sur la route pour décortiquer les noix qu'elles mangeaient ensuite. Et une autre expérience qui avait été faite qui montrait que dans un bocal avec un fond d'eau et de la nourriture qui flottait, le corbeau était capable de comprendre qu'il fallait prendre des objets pour mettre faire dans le bocal monter le niveau de l'eau. Pour faire monter le niveau d'eau et pouvoir récupérer la bouffe ensuite. La bouffe. C'est pas mal, c'est incroyable ça. Hein. Mais donc du coup l'expérience de la grange du coup, c'est en fait des humains entrent et sortent de la grange dans lequel il y a de la nourriture. Les corbeaux rentrent dans la grange pour aller bouffer s'il n'y a pas d'humains dedans, parce qu'ils ont peur des humains évidemment. Et donc du coup en fait ce qu'ils faisaient c'est qu'il y a un humain qui rentrait dans la grange, les corbeaux rentraient pas, l'humain sortait de la grange, les corbeaux rentraient. Et ensuite, deux humains rentrent dans la grange, genre même un par un tu vois, genre deux humains rentrent dans la grange, il y en a un qui sort, les corbeaux bougent pas, le deuxième sort, les corbeaux bougent. Etc. jusqu'à 14, si, tant qu'ils n'en avaient pas compté 14 qui étaient sortis, ils ne rentraient pas. Et ensuite, ils rentraient. C'est génial. Et ensuite, ils perdaient le compte des trucs. Mais c'est déjà incroyable, ça, quand même. Ouais. C'est clair. Les abeilles, c'était pas pareil. C'était. En gros. Un humain rentre dans une ruche. C'est un mince. Ah, l'expérience est nulle, je me suis fait piquer. Non, c'était pas ça, mais ça aurait été drôle. Non, en gros, t'as 4 boîtes avec une boîte avec un motif. 2 motifs, 3 motifs, 4 motifs. Et la bouffe est toujours à l'endroit où il y a le moins de motifs. Et en faisant des combinaisons de motifs différentes, pas les mettre tout le temps au même endroit, et bah tu peux déterminer que les abeilles arrivent à apprendre que la bouffe est toujours dans la boîte où il y a le moins de motifs. Voilà. Donc elles savent faire un ordre entre les différents chiffres. Quoi. Et on sait de sûr qu'elles sont capables de compter jusqu'à 4. Voilà. Et qu'elles comprennent le 0. Parce que quand il n'y a rien au lieu d'un motif, elles savent aussi que c'est en dessous de 1. Faudrait mieux d'apprendre à plus être en voie de disparition. parce que j'imagine. Parce que guêpes asiatiques. Hein. On va appeler Abélia, je te jure, ça va passer comme ça. Bon, les petites pauses. On peut aller les chercher. Hein. On va les chercher. Moi, je suis pas un bouffon, non. Je suis un putain de dindon. Je suis la risée de tous, le dindon de la face. Les gens n'ont pas pitié des ouf, personne ne me regarde en face. Je suis la risée de tous, le dindon de la face. Les gens n'ont pas pitié des ouf, personne ne me regarde en face. Car j'ai des pustules et des kystes à l'équitage. Dans la peste sur le visage, pellicule dans la moustache. J'ai des rides de jambette mais j'oublie en dégustant des pistaches. Ridicule comme un gymnaste qui hésite et qui chute au début de la compète. J'ai des pistolets qui crachent, de l'oplate ou des billes, les voyous se cachent. Je suis morbuste qui puce ou qui lima. Sans voiture, je vomis dans les virages. Amiral dans les vires sans équipage. Un ermitage, fils unique sans héritage. J'ai guéri sous le mistral. Je déverse le sprite dans des verres en cristal. Je customise les pizzas en ajoutant des chips et du beurre salé. Je débite des tas de répliques nastibles. Passe dans la piste en bébé. Je suis le bric et vacille quand les filles barges disent casse-toi ta fille, ça télé. Je suis limite sale, je suis les rizzas. Dans ma zotra, dans ma gova. Et j'imite mal la démarche d'al. Dans ma tiona, bora bora. J'ai tragué des travons droits, traqué des dragons froids. Braqué des barons, squatté des balançoires. En gardant mes bras en croix. Parfois je croise en moi, mais quand je croise mon reflet pris des proches, je me dis que personne ne voudra jamais me passer la bague au doigt. Je suis la risée de tous, le dindon de la face. Les gens n'ont pas pitié des ouf, personne ne me regarde en face. Je suis la risée de tous, le dindon de la face. Les gens n'ont pas pitié des ouf, personne ne me regarde en face. Je suis la risée de tous, le dindon de la face. Les gens n'ont pas pitié des ouf, personne ne me regarde en face. Je suis la risée de tous, le dindon de la face. Les gens n'ont pas pitié des ouf, personne ne me regarde en face. Dans ma chambre j'ai des posters de Charlemagne. Je pars en vacances sur la West Coast. Ouais, j'aime la Bretagne. Je lis jamais le journal à part celui de Mickey. Colum, Sinoc et les fantanes sont trois de mes sobriquets. Mon sexe est court comme la carrière d'un acteur de snuff. Movie, il est qu'une meuf, souris, je jouis, mon sperme sans l'œuf pourri. Je tâche mes baggy khaki, chez moi c'est comme à Nagasaki. En 45, oui, je range mes habitants des caddies. Pour m'endormir, je compte les moutons de poussière. En fumant des grosses pifs, donc mes poumons sont ouverts. On me traite de bouffon parce que je confonds la dance et le blues. Et que je tombe la pelouse avec un coupon. En plus, je me suis fait piquer par un scorpion en pleine rue. Je joue tout seul au morpion, comme ça, je perds plus. Je chante comme Bernard Lavillier, radote comme Arlette Laguillier. Je finirai sans doute lapidé sans avoir connu l'amitié. La risée de tous, le dindon de la face. Les gens n'ont pas pitié des ouf, personne ne me regarde en face. Je suis la risée de tous, le dindon de la face. Les gens n'ont pas pitié des ouf, personne ne me regarde en face. Je suis la risée de tous, le dindon de la face. Les gens n'ont pas pitié des ouf, personne ne me regarde en face. Je suis la risée de tous, le dindon de la face. Les gens n'ont pas pitié des ouf, non. Bah. Bah non. Une voyante m'a lu les lignes de la main et apparemment je vais survivre à une chute de plus de 112 étages. L'opulence devrait croiser mon chemin, mais je serais mort avant, écrasé par une ambulance dans les embouteillages. J'ai des doigts de fainéant, déjà des poils de nez blanc, pourtant je bois de lait, viande, bon et gobelet. Flanc, je fais pas ça pour béflanc, j'ai pas d'euros, mais des francs quand je prends ma voix de méchant, ça fait rigoler les gens. Hey. Je dois l'avouer, je n'ai vraiment aucune passion. Me faire charrier toute la journée est mon unique occupation. Mon urologue se moque de moi à chaque consultation. Les nymphomanes aveugles me fuient même en période d'ovulation. Je défecte dans les souris noires en faisant quelques bruits bizarres. Je danse le tcha-tcha-tcha sur des messes noires, quel désespoir. Je prépare des omelettes à les poisser au sel. J'en ai marre, je fais trop de diète, faut que je repasse mes chaussettes. Je suis la risée de tous, le dindon de la farce. Les gens n'ont pas pitié des ouf, personne ne me regarde en face. Je suis la risée de tous, le dindon de la farce. Les gens n'ont pas pitié des ouf, personne ne me regarde en face. Je suis la risée de tous, le dindon de la farce. Les gens n'ont pas pitié des ouf, personne ne me regarde en face. Je suis la risée de tous, le dindon de la farce. Les gens n'ont pas pitié des ouf, personne ne me regarde en face. Personne ne me regarde en face, non. Personne ne me regarde en face, non. Personne ne me regarde en face, non. Le dindon de la farce de l'Hippocampe Fou. Bon, on va bientôt clore l'émission, parce qu'il est bientôt 20h. On a une question philosophique à poser à Alexandre, voilà, notre invité mystère. Je suis tout oui. Voilà, la dernière question des prénoms de ce soir qu'on pose à tous les invités. Alors d'après toi, voilà, c'est une question un peu de réflexion, je pense pas qu'on trouvera une réponse aujourd'hui en tout cas, parce qu'on cherche vraiment beaucoup, mais voilà, c'est de la réflexion. Est-ce qu'une moule peut avoir trop le goût de moule? D'après toi. Question profonde. Voilà. C'est une question qui nous a été servie, j'ai envie de dire, par Renan, un des présentateurs qui n'est pas là. J'espère qu'il nous écoute, ce bâtard. Ah là là, voilà. Quel bâtard alors. Voilà, il avait un ami avec lequel il allait manger des moules à Concarneau. Voilà, très belle ville de Bretagne. Son ami a mangé une moule et s'est écrié: cette moule a trop le goût de moule. Bon, déjà, enfin, sans vouloir paraître vulgaire, ouais. Genre peut-être que une moule se réfère à un objet. Enfin, voilà. Il aurait pu aller jusqu'à là. Auquel l'autre moule ne se réfère pas. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais bon, en éliminant cette option-là, hein, parce que bon, on est dans une émission tout public. Ouais. Familiale. Ouais, voilà, c'est ça, familiale, chrétienne. je pense que. Attendez, je cherche une manière de tourner ça de manière profonde, mais. Vas-y. Prends ton temps. Je pense qu'une moule, en fait, ne peut pas avoir trop le goût de moule parce que. Non. Ça te laisse de marbre. Voilà, je ne saurais pas comment répondre, en fait. D'accord. Je suis désolé. Est-ce que une certaine moule peut avoir trop le goût d'une autre moule? D'une autre type de certaine moule? Non, toujours pas. Une moule qui te rappelle une ex, par exemple. Non, mais vraiment, aidez-moi, parce que là, je suis en galère un peu. Hein, non, mais en vrai, toute façon, on peut partir sur des trucs On n'aura jamais la c'est réponse. C'est pas encore là. Abuser des bonnes choses, est-ce que justement, c'est, ce serait pas... Ça dégoûte pas à force. Et puis on se dit, ah, ça a trop le goût de moule, j'aurais préféré que c'est le goût de popcorn. Bah c'est ça, finalement. C'est, oui, ça, mais t'es venu pour manger des moules ou pour manger du popcorn? Ouais, mais ça veut quand même dire qu'au bout d'un moment, si tu dépends de tes perceptions, ça peut avoir trop le goût de moule. Moi, je pense qu'on n'aura jamais l'émission. Et on va bientôt, on va se laisser. La réponse. On n'aura jamais l'émission, évidemment. Ouais. Il est temps de raccrocher. Et voilà, on va se laisser. Sur cette histoire de moule. Sur cette histoire de moule. Juste après, c'est La Nocturne, par l'équipe de RCO. Et voilà, la semaine prochaine, on aura la grille des programmes qui sera disponible sur le site. On aura aussi deux émissions en plus. Je vous laisse regarder sur Facebook, ce sera transmis. Et donc, on aura lundi la Tips, qui présentera leur match d'approbation. Mardi, il y aura Radiocratie, philosophie politique. Et mercredi et jeudi, il y aura les deux nouvelles émissions. On vous laisse découvrir. Et vendredi, les prénoms, et il y aura sûrement, elle sera encore sûrement suivie d'une nocturne. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous tous. Ouais. Merci à toi. Merci à toi, oui. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci à RCO. Salut. Au revoir. Même les deux. Tant de drôles de rectifs, tout le monde me fait signe, comme si j'étais Poséidon sur le dos de Nessie. Je trie les déchets venus du continent plastique, au risque d'être qualifié de stupide écolo drastique. Mais ici-bas, rien n'est problématique, que dans des épaves, danser des crabes avec